Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Salut à tous et bienvenue dans ce apéro original 5.3. Oui, tu as compté. J'ai compté jusqu'à 3. Ouais. Est-ce que tu sais lâcher tes chaussures? Je sais pas lâcher mes chaussures. Tu sais pas lâcher. Lâcher mes chaussures. Ouais. Mes chaussures. Je suis passé chez Choche. Wouh. Alors, cet apéro 5.3, où est-ce qu'on en est? On ne sait plus. C'est très dur parce qu'on ne sait plus qui présente, qui fait quoi. Alors là, techniquement, on est au mois de septembre. Non, juillet. Ouais, si, c'est ouais, septembre. Alors, donc comme on est au mois de septembre, ça ne sert à rien de voter pour les podcasts. On a gagné! On a perdu, et c'est très bien comme ça. Grâce à vous, on a fini bon dernier, merci. Merci pour vos non-votes, ça nous va droit au cœur, ça fait chaud au cœur. Droit au cœur. Oh, en même temps, on va pas faire pub dessus. Hein. c'est très sympa de votre part. N'hésitez pas à nous écouter, si ce n'est pas déjà le cas, sur Pod Radio. Consultez la grille des programmes pour savoir quand est-ce qu'on est diffusé. Parce que nous, on ça change de manière assez régulière. Tous les mois, en fait. Voilà. Vu qu'on est en septembre... Bonne rentrée. Bon. Mais enfin, du coup, non, vu qu'on est à peu près le 20 septembre. Ouais, on est milieu fin septembre. N'oubliez pas que à la fin du mois prochain, il y aura Podren. Oui. Déjà. À chaque fois, ça avance vite. Ça avance vite. Ça avance vite. La mini convention autour du podcast. Une convention sans joueur du grenier et sans Marcus. Qui se déroule, la reine. 500 youtubeurs qui fait chier les organisateurs pour avoir des accrédits. C'est drôle parce que c'est vrai. De toute façon, c'est rien parce que même les personnes qui vont, c'est gratuit. Voilà. Donc, je peux avoir un passe-presse, mais c'est gratuit. De toute façon, c'est gratuit. Et on peut faire un big up aussi à Japinter. Exactement. Ah oui. C'est quand c'est passé ou pas encore? Non, c'est le mois d'octobre. Je crois qu'il y a un peu avant. Le mois prochain, c'est milieu octobre. Le mois prochain, à partir de maintenant ou À partir du moment où ce podcast sera diffusé. Oula. T'as pas peur, toi? S'il est diffusé. Si on n'est pas mort avant. Si Azertov fait le montage dernier. Oh, tu sais, c'est pas en quoi qui se passe, donc c'est bon. Ça se monte tout seul. Pardon. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient aider. Ah, ça se monte à deux, forcément. Donc, pour les infos par rapport à Podren, n'hésitez pas à consulter le site de Bad Geek et l'adresse badgeek.fr/podren. Et venez nombreux, sauf Gandalf80, parce que Gandalf80 il vient tout seul. Et il se démerde parce qu'il est malade en voiture. Il fera un arrêt à Paris. Où est-ce que je vais dire? Non, on voit pas du tout et on veut pas voir. On veut rien voir. Je ferai un roman. Ce qui reste à Paris. Reste dedans le marais. Au cours de cette émission, il y aura presque comme d'habitude une petite rubrique dégustation de bière, un petit quiz par l'ami Gandalf. J'ai deux palais. Et entre ces deux rubriques, il y aura notre nouvelle rubrique. Ah mais oui, L'imposé. Il est un imposé d'Azertov. Oui. Vous découvrirez en temps et en heure de quoi ça s'agit. J'ai deux palais. Et donc pour commencer, on va décapsuler des bières grâce au décapsuleur de la destinée. Je le passe au maître de maison de commencer cette fois-ci. Qui n'attendait ça que depuis deux épisodes. Il avait la bave aux lèvres, ça se voyait. Pas du tout, là ça commence à tourner, donc en plus c'est pas une 6,2. Bon, ça va. Donc passer une Vurenvlam de la brasserie de Molène. Donc que j'ai déjà eu l'occasion de goûter, qui est recommandé, approuvé par l'audi de Dudenvir. Ah, donc, si c'est approuvé par Dudenvir. Oui, c'est très bonne et on l'a déjà bu. Et toi, t'as bu, c'est la même brasserie, la Mario. Qui était très bonne aussi. Et j'en perds mes lunettes. Ça continue. Ouais. Drop the glasses. Voilà. Donc du coup, au lieu de dire des conneries... Des casse-cieux. Raté. Ce podcast est déjà sous le signe de la gaudriole. Oui. On va pas tenir longtemps et bah tiens, allez. C'est à moi. Je donne ça. J'ai déjà deux palais. J'en peux plus. Alors. Doucement. Alors Gandalf. Alors j'attends que le sonnant et tribuchet soit terminé. Oh putain, oh putain. Où ça tremble. Tremble pas. Posez la bière. Mais la Vurenvlam sent hyper bon, donc c'est une IPA. Ça veut dire quoi déjà IPA déjà? Parce que moi je me rappelle pas. Indian Pale Ale. Et Indian pour Indien. Indien. Pale pour Palin. Et Ale pour Elle. Non. D'accord. Mais sans juste. Sans le goulot. Ta gueule. Oh, ça fait un peu. Ça sent l'exotisme un peu. Ça sent un peu le gingembre, un peu le. Je sais pas. Un peu l'exotisme, voilà. Bon, alors pour ma part, je pense que je vais l'accompagner d'un petit whisky parce que je sens que je suis chaud. Chaud patate. Donc je vais continuer avec du 5 degrés, mais qu'est-ce qu'en 5 degrés, d'après vous? Donc c'est une petite lévrette, mais blanche. Donc je lis ce qu'il y a derrière et une phrase qui me paraît fort peu compréhensible malgré mon état d'ébriété. Mon état d'ébriété, donc c'est le succès de la bière levrette est tellement international que les ours blancs des pays nordiques ont infiltré la communauté des lapins pour voler leurs recettes et l'importer chez eux, la levrette blanche aînée. Voilà, donc une petite levrette avec du blanc dedans. Voilà. Donc c'est une levrette, mais non pas faite par des lapins, mais faite par des ours polaires. Il y avait beaucoup de blanc, visiblement. Donc déjà, on peut dire que sous moins de 5 minutes, on est déjà en explicite. Ah bah... Ah mais on bat les records, hein, tu sais. Je pense qu'un jour, à sortie du générique, on essaiera de faire du explicite. On dira « Bit !»« Bit !» Éjaculation faciale, sodomie. Oh. Évidemment. Oh, visiblement, certains ne sont pas contre la sodomie. Voilà. Parce que... Putain. Mais... Non mais pas partout s'il te plaît. Hein. Trois essais chacun, putain. Mais... Voilà. Je fais déjà passer le décapsuleur du destin à mon ami Asto 80 et je sers tranquillement. Ouais, si t'as une bière blanche belge. Penche le verre. Oh putain. Non mais pas partout. C'est un demi. Un demi mousse. Donc la suite viendra. La suite au prochain épisode. Je pense que vu notre onde d'alcoolémie, ça sera post-mortem. Mais vraiment. Donc la couleur et la robe, ma foi, très sympathique. Et donc pour finir, je vais décapsuler une Brewdog Punk IPA. IPA. Love the beer on the brewery. Donc c'est un peu comme le Brewdcast. Mais pas pareil. C'est chier, non. C'est vrai que nous, on fait quand même beaucoup de citations dans notre podcast. Je pense qu'il faudrait qu'ils nous rendent l'appareil un jour. Bulldog. Equity for Punks. À chien ou quoi? Je sais pas. Post-moderne classique. Je sais pas. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Je vais essayer de la décapsuler en un coup. Hey Rodriguez. Je sais pas mais non fait. Père et fils. Tocchini! Parce que vu ce décapsulage, il va falloir qu'on te fasse des trucs bucco. Tocchini! Moi je pense qu'il va falloir qu'on te fasse des trucs bucco. Non. Toi si tu veux, hein. Non, pas toi. Non, pas toi. De toute façon, je veux pas moi. Oh, whisky de plus, bon, c'est bon. Non, je m'en rappelle pas. Allez, laisse! Tu veux pas un doigt? Qu'est-ce que j'ai les dents? On voit la lucidité du garçon quand même. Il décapsule d'un coup, il fait pas de mousse. On croirait que t'es Bob. On croirait presque que je tiens de l'alcool, dis ça. Quel homme. Oui, mais est-ce que tu tiens que des chanteurs un peu bizarres par contre? tu parles de quoi là? J'ai pas compris, tout de suite, passons. À la dégustation. Bah, comme dans mon souvenir, elle sent bon la Vurenbram. Oh, moi aussi, t'es. Je sais pas ce qu'elle sent, mais elle le sent. Pour une blanche, je trouve que c'est très. Il y a un petit. J'allais dire un goût pommade, mais. Ouais, moi je trouve très agrume. Tu sentiras pas trop la bouteille. Ça sent, tu verras. C'est très. Si, je trouve. Tu commences à devenir expert. Hein. Commence à se sentir les bières. Oui. On ne sent pas le cul, je sais plus le nom du chien, mais on ne sent pas. Didier. On ne sent pas le cul de Didier. Là, c'est le moment où t'éternues. Ah non, ma bière. Allez, une petite gorgée. Comme le bouquin de Philippe Delerme, la première gorgée de bière. C'est très culturel. Elle est plus amère que celle d'avant. Ah ouais? Ah, mais celle d'avant était fruitée aussi. Souvent, Bordeaux, je trouve que c'est un peu... Un peu épais. Ouais, puis ça te tabasse... je sais que j'ai écouté... Je sais plus si celle-là, je l'ai, la IPA, la Punk IPA, mais j'ai écouté la Sainte 5 AM. Et t'avais senti pas... Tu t'es pas senti... C'était une... Pas une stout, mais tu sentais que c'était très houblonné, que j'ai bu une gorgée, et je crois que je me suis assis. Et de suite, hein. Ouais, j'ai eu du mal à la finir. C'est particulier. Quand tu t'assois de suite, c'est pas très mais bon. Ouais. C'est vrai que ça a l'air assez particulier. Mais après, c'est une bonne brasserie. C'est approuvé par Loli de... Merde, du coup, je me rappelle plus du podcast. Du thé de bière. On lève les mains au ciel et si c'est approuvé, alors... On espère que vous avez voté pour du Denbier pour les PPA. Bah, des vrais, hein. S'ils se sont présentés, d'ailleurs. S'ils se sont présentés. Ah bah, c'est bien, c'est ça. Comme on ne sait pas, on fait au pire. Alors, du coup, vous avez déjà les résultats, hein. Donc, Et nous, on ne sait pas. On est toujours dans l'expectative. On est là, on n'a pas Internet à Castres. C'est surtout qu'on enregistre avant, donc... c'est surtout ça. Bon, maintenant que les bières sont servies, on va pouvoir poser. Passer. Pas posé. Posé. On est posé. Dans le canapé. Oh putain, on est sous comme des cochons. Je m'en vais. Je m'en vais. On va pouvoir passer à l'imposé. Ah, comme ça, direct. Bah, tu veux dire quoi d'autre? Je sais pas. Je sais plus dans quelle ordre c'était en fait. Ah bah si. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Alors du coup, c'est une nouvelle rubrique qui s'appelle l'imposé. On innove dans C'est quoi, dis donc, l'imposé? Alors en fait, on peut proposer... On peut imposer un objet culturel et on va parler après dessus. Donc voilà. Donc, pour quelle est la différence avec nos dossiers C'est pas un dossier en fait, c'est le dossier habituel. On n'est pas forcément obligé de l'avoir lu ou de l'avoir vu ou de l'avoir pris conscience. C'est justement l'intérêt. Et justement, c'est on impose quelque chose pour faire de la découverte ou pour vraiment du coup pour partir sur une base de on a tous lu, vu, entendu. On a tous quelque chose à nous du Tennessee. Et je vais pas rebondir, boing. Donc du coup pour qu'on soit tous à peu près au courant de ce qu'on va dire, d'au moins on connaît le sujet. Et au moins là on est sûr. Et donc j'ai lancé cet imposé donc sur une BD. Mais c'est Achilleos, dis donc. Ouais, qu'on a tous lu, du moins le premier tome, on l'a lu au moins une fois chacun. Ouais. Oui. Donc la BD c'est Apocalypse sur Carson City. Mm-hmm. Donc de Griffon avec ouais. deux F. Bon, chez Aquileos. Chez Aquileos. Donc 15 euros. 15 euros, ouais. Ou à peu près. Voilà. À peu près, c'est. Non. Oui, mais après, ça dépend. C'est si une... t'as les 5%. Au niveau du prix, c'est une, voilà, une quinzaine d'euros. Il y a actuellement 5 tomes. La dernière partie qui sera en. Je sais pas du coup si c'est validé, mais il y a une dernière partie qui va apparaître. Mm-hmm. Bientôt, donc, parce que du coup, je sais ça de source sûre, parce que je suis allé à Lyon pour le festival Lyon, festival bière, ou bière, festival Lyon, je sais pas. Et au festival de bière, tu as des actus sur la BD. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait Griffon qui était présent pour une dédicace dans une boutique de BD. Donc du coup, j'en ai profité pour me faire dédicacer une BD. D'accord. Donc du coup, bah... Vu qu'on a un petit peu parlé, il m'a un petit peu donné des. Donc tu vas dans les festivals BD pour boire de la bière. Non, il va. Non, c'est l'inverse. Il va à un festival de bière pour faire dédicacer des. Voilà. Et c'est pour ça. C'est ce que je dis. Donc tu vas dans les festivals BD pour boire de la bière, du coup. Toi. C'est ça. Bah, on va bien à un festival de jeux pour boire de la bière, donc. C'est parce qu'à un moment on a soif. Mmh. Ah oui. Pour parler de Apocalypse sur Carson City, donc je vais Top 1, je vais vous lire le quatrième de couverture, comme ça va vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Nevada, à quelques jours d'Halloween. Les frères Blackwood, des gangsters recherchés pour une série de braquages, croisent au cours de leur cavale le terrible shérif B. Justice et son adjoint. À l'autre bout de l'État, dans un des labos de la fameuse zone 51, le général Matthews découvre avec horreur les abominables résultats des expériences top secrètes menées par le docteur Phobic. L'enfer va s'ouvrir et sa portée Carson City. Fun et frissons garantis pour un concentré d'action et d'humour noir. Bon, je vous fais pas toute la quatrième de couverture parce qu'en fait il y a un petit texte et bah, le premier petit texte et plein de petites phrases choc façon. Quand ils disent que l'humour va s'ouvrir, est-ce que le fun va s'ouvrir? Non, l'enfer va s'ouvrir. Est-ce que c'est comme au marais? Je sais pas, je vais pas au marais, tu me diras quand tu iras. D'accord. Tu me diras quand tu iras. Ok. Ah, je ferai un dossier. Non. Donc en fait, donc pour expliquer un petit peu l'histoire de ce premier tome, donc on va suivre l'origine d'une contamination. D'une contamination. Oui. Donc ça part vraiment sur les séries B, sur les plutôt séries Z, très peu de budget, mais sur des pitchs vraiment un petit peu barrés de contamination, de zombies, de monstres mutants, d'armée qui fait des tests sur des soldats morts pour voilà, donc c'est très thématique. Mais les tomes sont toujours construits de cette façon là en fait, on va voir la page de garde du chapitre. Donc là par exemple, alors je vais prendre la page du chapitre 1, donc écrit façon vieux bouquin mais mal imprimé, donc du coup va y avoir des ça bave un peu, va y avoir des défauts sur le titre, une petite image centrale avec le nom du chapitre. Donc là par exemple le chapitre 1 c'est marqué pas du chapitre non. Et ensuite en bas à droite on va avoir une petite citation de film de genre mais qui peut être de tout en rapport par contre avec le chapitre. Donc par exemple là, pour le chapitre 1 qui s'appelle Amorce, on va voir la phrase suivante. Je crois qu'il nous faudrait un plus gros bateau. Dit par le chef Brody dans Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer. À chaque fois c'est les noms, là c'est Jones. Les Dents de la Mer 2. Donc c'est Les Dents de la Mer. Donc dans ce chapitre là, on va dire vraiment d'introduction, on va voir donc plutôt des paysages... classique de lac où on va voir des pêcheurs. De lac. C'est vraiment, on va dire, Est-ce qu'il y avait un aigle noir sur le bord d'un lac? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un aigle noir qui surgit? Non. je ne sais pas s'il y a un aigle noir, mais par contre, on voit des pêcheurs. Est-ce qu'il y a un aigle fin? Il y a des gros poissons, en tout cas. Non, il n'y a pas de dauphin, nom de Dieu. D'accord. Nom de dauphin, nom de Dieu. Il y a des gros poissons. Oh putain, mais oui, j'avais oublié. Avec des dents vraiment acérées, pointues. Qui sont, disons, peu amicaux, agressifs, peu amicaux avec les autochtones, on dit. Ils sont voilà. pas très friendly, quoi. Ouais, ils sont pas très human friendly. Et bah ensuite, au fil des pages, donc ce sont des pages en noir et blanc, dans un style, comment décrire le style? C'est plutôt noir et blanc déjà. Voilà, ouais, déjà pour introduire le truc déjà. C'est noir et blanc, mais le style est plutôt. C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est à la fois en fait réaliste, mais très trash. Trash et difformé en fait. Ouais. Ça va pas être vraiment du réalisme pur. Les personnages sont presque caricaturés. C'est ça en fait. C'est du réaliste mais caricatural. Ils ont ouais, voilà, c'est ça très, pour... très disproportionné. Ouais, c'est un style très caricatural, c'est vrai. Donc ensuite, bah, ça prend plein de références de films et de séries Z, où justement, bah, on va voir. Mais ça ne trop, tu vois. C'est pas entamé pour t'en mettre. Oui, voilà. Et tu sens en fait que le Griffon, donc le dessinateur et l'auteur d'Apocalypse sur Carson City, a bossé ses références. Voilà. Parce que tu sens la recherche de la punchline. Ouais, c'est ça, voilà. Pour chaque chapitre, à chaque texte, bah ça, faut que ça touche, faut que ça sonne juste. Oui, ça sonne juste, voilà. Et voilà, donc. Tu sens que t'as vraiment. C'est bourré de références. Donc, oh oui, pour chaque BD, t'as 3 chapitres. Oh. Mais tu sens que ces 3 chapitres-là bah, vont te pointer du doigt, vraiment, on va dire, les codes et les stéréotypes du genre. C'est ça. Avec vraiment le. Il y a plus. L'angle qu'il faut. Il y en a 4. Ah mais il y en a. Je pensais en avoir lu 3 tout à l'heure, mais non, il y en a 4. Et vous vous trompez, monsieur. Ah mais non, mais c'est bon. On est plus à un détail près. Et donc du coup, ouais, voilà, donc c'est du noir et blanc. Le style est un petit peu réaliste mais difforme. C'est hyper joli. Oui. Je sais pas ce que vous en avez pensé au niveau du dessin. C'est très difforme, mais c'est hyper bien dessiné. Alors moi, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Par rapport c'est vrai que c'est particulier. C'est particulier. Le style justement difforme des le style est particulier, mais ouais. Quand on s'y intéresse, c'est hyper bien dessiné. Mais au vraiment, final, voilà, je te l'avais dit, je l'ai dévoré au final de la BD. C'est perturbant au premier abord, quand on se dit, ouais, c'est un peu bizarre comme style et tout. Puis une fois qu'on arrive à... passer au-delà de ça, qu'on arrive à rentrer un petit peu dans l'histoire, ça se lit très très vite et très très bien. Quoi. Et au final, t'as pas justement le côté... Tu sens que le dessin est fait là pour accompagner en fait le récit. Oui, c'est ça. Puis c'est plus ça que ça, qu'autre chose. Parce que ça parle à un moment, je sais plus si dans le tome 1 on voit, mais t'as des mutations, des grosses mutations vraiment difformes... Ouais. Et tout, donc en fait tu fais plus trop attention à ça. Oui. Tu vois que le dessin est déjà un petit peu difforme, mais les personnages quand ils deviennent, on va dire, monstrueux. Oui, c'est quoi. Tu vois le truc encore. T'es plus immersif en fait dans le style. Et je trouve que justement pour des histoires comme ça, ça aide au récit en fait. Ce dessin-là, ça va. C'est bien rentrer dans le récit, parce que c'est de la série B, Z, etc. Omega. Omega Shift Prime, tu te l'as un jeu. Oh, ça t'aide à rentrer en fait dans ce récit-là, parce que tu sais que le récit va être un petit peu what the fuck. C'est what the fuck, ouais. Ouais, donc du coup, ça, tu rentres... Enfin trop, mais quand même, voilà. Tu rentres bien dedans. Après, au niveau vraiment... Un récit qui s'assume, j'ai envie de dire aussi. Dans ses références et tout. Voilà. Tu sens que derrière, justement, c'est. Ça a été mûri. Ça a été bien. Ouais, bien digéré. Ça reprend l'école vraiment du genre. Mm. Mais quand je dis que ça reprend les codes, par exemple, sur les... La première de... Non, alors, c'est pas la première, parce que c'était... C'est le... Sur la fin du tome, quand je recherchais, ça te présente ça vraiment comme un film. Donc, on va voir, comme si c'était une affiche type de film, même sur la couverture, en fait. Ça te prend vraiment les trucs avec vraiment les personnages, on va dire... Ouais. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, autre que les affiches type Tarantino, vraiment de films de genre avec les personnages principaux, un petit peu voilà, Grindhouse derrière. Donc c'était les Rodriguez et ouais, les Michel Rodriguez et les Tarantino. Et ça. Tarantino, donc ils avaient fait Boulevard de la Mort Plein de Terreur. Voilà. Donc, c'est vraiment voilà, c'est des trucs très très what the fuck. Attention, distribution de whisky. Oui. Une bonne rasade ou... Merci. Donc voilà, ça reprend vraiment quand même. Donc du coup, voilà, la dernière page, enfin, on va dire la fin du film, comme si c'était le générique. Ouais. On va voir vraiment le titre de la BD. Ouais. Avec du coup le sous-titre épisode 1, Fuite mortelle. Starring avec les noms des acteurs qui font très nanar. Ils font très nana et je... Harry Mitchum. Oui, parce qu'il y a Robert Mitchum. Mike Barron. Ouais, Mike Barron, c'est un nom de. Ça fait très nom d'acteur. Richard Kinkaid. Kinkaid. Et bien évidemment, un groupe de musique qui est connu. Patrick Duke. Mais après, justement, toi, je sais pas si. C'est vrai, non, mais j'ai fouillé un peu. Ouais, mais il a poussé le. On va dire la référence. Ouais. Au point de prendre des acteurs. De films de série Z, ouais. Et les réutiliser en tant que personnage. Ah, Mike! Plus d'heures de leur nom. Ouais. Ou prendre des homonymes ou des sonorités très proches, justement pour faire. Moi, je sais que Mike Barron, ça me dit quelque chose. Je crois qu'il a travaillé dans des films de Vidi Ninja ou des. Et donc, du coup. Très merdique. Hein, ensuite, toujours sur cette même page, on va voir les crédits musicaux. Parce que dedans, il y a une musique qui se passe à. Dans les BD, ils écoutent la radio, puis on voit les paroles qui apparaissent, style onomatopée. Mmh. Et ça, en fait, on va le retrouver à chaque fois dans la BD. On va toujours avoir des paroles de musique dans chaque tome. C'est vrai. Mais tu lis. Et après, bah, du coup, à la fin, on a A Film by Griffon. Avec vraiment, ça fait vraiment style. Style série Z, avec en plus le prochainement, le nom de l'épisode. Et après, on a une petite carte représentant la ville de Carson City. Que dire de plus? Qu'est-ce que vous en avez pensé, en fait, de ce premier tome? Ah! Oh! Hey. Non, moi, je trouve ça hyper bien découpé. Ouais. Ça, par contre, c'est vraiment le truc qui m'a sauté le plus aux yeux, tu vois. Il y avait des pages en noir, des pages en blanc. S'il fallait faire une demi-page, fallait. S'il fallait faire une page entière, ben voilà. C'est ce que j'aime beaucoup, tu vois, dans le support de la BD. Le découpage plutôt, ouais. Ouais, parce qu'on peut se permettre des trucs, voilà, qu'on peut pas forcément dans une série, qu'on peut pas forcément au cinéma. Des parties pris comme ça en termes de découpage, il y en a forcément hyper peu. Moi, le seul film que j'ai vu récemment qui avait un parti pris au niveau du découpage, c'était Mommy de Xavier Dolan, qui était filmé un peu, tu sais, qui était filmé verticalement. C'est comme si tu filmais avec un portable, en fait. D'accord, ouais. Et à des moments clés du film, le cadrage s'ouvre. Mais vraiment, c'est le cadrage s'ouvre parce que c'est symbolique, tu vois. C'est vraiment l'idée au-dessus que... voilà. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans la BD, parce que je reproche beaucoup à pas mal de BD d'être des fois forcément trop statique ou on ouvre le cadrage parce que c'est trop démonstratif, tu vois. Des fois, c'est pour montrer genre, c'est la méga bagarre. Et moi, j'aime bien ici, tu vois, à des moments clés du récit, il y a ce découpage là, où des fois, les pages, c'est inverse, tu vois, c'est du papier blanc. Il y avait du noir dessus. Oui, et des fois, il y a des pages où c'est plus le contour est noir, et il y a du blanc dedans, tu vois. Oui. Et moi, j'aime bien ce rapport-là, tu vois. On va dire que le dessin est inversé. Oui. C'est pas le trait noir qui forme le dessin, mais c'est plutôt le trait blanc. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup. Tu vois, ça donne un relief différent, tu vois. Ça donne une ambiance de suite. En plus, souvent, c'est des pages... Là, on est en train de les regarder. qui sont très, très anxiogènes. Du coup, on se dit, ah ouais. Et tu vois, par exemple, Lara, tu vois... Total oppression, quoi. Retourne encore. Tu vois, tourne encore. À un moment, tu vois, encore retourne. Ben, à un moment, il y a une page noire. Directement, tu vois. Oui, c'est ça. Là, c'est la fin du chapitre. Il y a un... un truc, il se passe un truc important. Et on n'hésite pas à mettre la page noire. Pour dire que... Voilà, c'est le cliffhanger. Et ensuite, voilà. On a une c'est pleine page. C'est bien marqué, la séparation. Voilà. Et ça, j'aime bien, tu vois. C'est une bonne... Bon, c'est ça, c'est la bonne approche de la BD, tu vois. Certains sont paumés en route parce qu'on dit toujours, ouais, la BD, c'est cher, ça se lit vite, tout ça. Pour moi, là, on est dans le bon aspect de la BD, tu vois. Oui. Vraiment. Parce qu'on se dit, des fois, est-ce que ça apporte par rapport au cinéma ou à la série, où maintenant, ils commencent à avoir des budgets sur les séries, ils commencent à être conséquents. Sur Game of Thrones, par exemple, ils commencent à avoir des budgets plus que costauds. Bon, je parle pas les actrices, hein, mais ça, c'est autre chose, hein. Mais ouais, on commence à avoir des budgets qui sont costauds, donc la BD doit encore se réinventer pour montrer sa différence. Et là, pour moi, c'est vraiment la BD qui apporte une plus-value. Et puis là, là on voit plusieurs pages. Par exemple, ici, on a un découpage, en un gaufrier classique. Ouais. Non, en fait, on va voir trois colonnes sur trois lignes. Ouais, et la ça, première c'est colonne... C'est ça. C'est centré sur un personnage, ouais. La deuxième colonne sur autre un autre personnage, la troisième sur un autre. Et en fait, les lignes vont être, ça va être la temporalité. C'est ça, voilà. On va savoir que sur la première ligne, c'est à l'instant T, comme si on va voir sur un écran, mais en fait, trois colonnes. C'est exactement ça. Avec centré sur les trois personnages. Et moi, c'est des trucs qui ont été essayés en BD, en jeu vidéo, quand on voit par exemple le jeu vidéo 13. C'est des approches qu'il essayait d'essayer. Mmh. Le jeu vidéo 13 reprenait justement ce côté BD qu'avait. Voilà, c'est pour ça. Et là, c'est vrai que là, on a vraiment cette plus-value pour moi de la BD. Mais en même temps, qu'il va chercher sur d'autres influences. Mmh. Qui s'appuie sur du cinéma, un peu de la série, un peu de la musique même. Qui s'appuie un peu à droite à gauche. Et du coup, on a une œuvre qui est finalement vachement plus dense que ce que je l'aurais pensé en regardant la jaquette. C'est que la jaquette, du coup, fait pas forcément... Ça attire pas, parce qu'on voit, du coup, les frères Blackwood. Ouais. Donc, on a Dallas, Buster et Anton. Oh. Mais on les voit, du coup, de plein pied, avec, en fond, derrière, une image de tête de mort un petit peu coulant. Ouais. Donc, la tête de mort un petit peu jaune ocre, ouais. Avec le fond reste rouge, uni ouais. Rouge. Donc du coup, ça donne pas trop envie. Mmh. Mais quand tu regardes les pages à l'intérieur, ça tu... Et puis, à la fois, il y a quelque chose de très statique, parce que le trait est très, très direct. Mais à la fois, quand il sait accélérer l'action, il sait le faire. Mmh. Oui, c'est ça qui est intéressant. Le découpage est différent. On va avoir, voilà. Au lieu d'avoir des cases droites, on va plutôt avoir des... cases en biais, oui. Des cases en biais. Ouais, bah la séparation entre cases va être en biais plutôt. Voilà, pour accélérer un peu le. Ouais, pour dire que le dimension, comme si on avait en fait, il reprend les codes des séries, mais en les mettant en BD. Parce qu'on va voir comme si c'était des incrustations de BD, mais on va voir les réactions. Mais oui, c'est toujours ça, ils sont toujours un petit peu. Mais il reste un très BD quand même, c'est ça qui m'a. Non, moi c'est surtout le découpage qui m'a vraiment impressionné. Voilà, par exemple, cette page, moi pour moi, m'a beaucoup choqué. C'est une page à un moment où. Il arrive quelque chose d'important. Il arrive quelque chose d'assez un peu dégueulasse à un personnage pas clé, mais. Personnage pourtant du tome 1. Si, si, ouais, c'est du coup, donc c'est le Dallas, si je me trompe pas. Ouais. Qui se fait. Bah, en fait, ils sont dans. Mais comme dans The Shield. Dans The Shield, c'est la série, c'est ce qui arrive à un moment. En fait, pour expliquer un petit peu la scène, ils sont dans un dinner de. Ouais. De Carson City. Et donc il y a les trois braqueurs qui sont là, ils commandent et ils veulent passer incognito, sauf que manque de bol, il y a le shérif qui arrive et qui rentre dans le dinner et son adjoint en fait reste à la voiture et voit la voiture des braqueurs. Là, c'est là qu'il les reconnaît. Et c'est là qu'il dit ah merde putain ils sont là. Et donc du coup ils s'ensuivent et que voilà ils vont se faire découvrir dans le dinner Et on a tous vu ça, des scènes un petit peu gore, de cervelle qui explose, deux mecs qui se font fondre un petit peu le visage contre la plaque de... Ça s'accroche un peu, ouais. Ouais, il y en a un qui se fait fendre la gueule sur la plaque brûlante. Et l'autre se fend l'autre... une barquette de frites par la gueule. Les frites avec huile. Les frites et là, l'huile. J'aime beaucoup le découpage, voilà. C'est deux demi-cases et voilà. C'est très symptomatique de la BD. Une planche, en fait, on va avoir deux cases. C'est et ça va être deux moitiés de planches pour une cage à chaque fois. Toutes les frites autour. Avec ça, j'aime beaucoup. Et c'est là qu'on trouve, c'est que justement, quand il se prend les frites sur la tranche, on voit les frites tout autour. Oui. Comme si ça faisait partie, en fait, du cadrage. Oui. Il y a le contour en frites, en fait. C'est ça. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est très graphique. Et ce qui est, parce que là du coup on tournait pas, et ce qui reprend les codes aussi, c'est on va voir la présentation des personnages, oui, façon film. Donc comme si on avait un arrêt sur image avec un zoom sur le personnage, ouais, avec des informations clés. Donc on va ça voir le nom. Ça fait plus jeu vidéo même, tu sais. Ça me fait vachement Tarantino justement. Moi. C'est aussi, ça. Ouais, ouais, c'est les deux. Kill Bill ou un truc comme ça, tu vois. On zoome très proche du personnage, et ouais, un peu les deux, tu vois. Moi, je trouve. Et du coup, avec le nom. L'acteur, enfin, oui, l'acteur avec Staring Eyes en gros, et le nom du personnage. Ouais. Mais moi, ça m'a beaucoup perturbé au début, sur la première case. Sur le premier truc sur, la première fois que ça arrive, sur Matthews. Sur Matthews, j'ai relu trois fois le truc, j'ai fait, mais. Quoi ? Oui, mais ouais, c'est, tu demandes. Bon, en fait, moi, j'ai pas compris. La première fois que j'ai lu ça, je fais, putain, mais oui, mais c'est un génie. Il fait une présentation, mais vraiment, il a l'action, et fait une présentation. Direct. Puis j'ai continué, puis j'ai vu un autre, puis j'ai fait, au fur et à mesure, oui, j'ai commencé à comprendre le truc. Mais au début, j'étais vraiment paumé quoi, sur le truc. Ouais, du coup, t'as le nom, la profession, la réputation, point fort, point faible, spécialité, ouais, et l'espérance de vie, qui est toujours un truc à mourir derrière. Mais chaque fois, quand tu regardes les points forts et les points faibles, aussi. Quand tu regardes les points forts et les points faibles, c'est pareil. T'as trouvé, ça va être diplomate. Ouais, elle joue un peu de toi aussi, tu sais. Ouais, aime pas beaucoup les personnes, ou aime pas le mal mais le fait mal, ou un truc du genre. C'est ça qui est vrai. Point fort, réfléchis vite, point faible, doit réfléchir pour trois. Ouais. Donc là, c'était du coup un des frères, donc là c'est Anton Blackwood. Buster, Anton, et le troisième, je sais pas si. Dallas. Si, on le voit juste là. C'est Dallas Blackwood. Réputation, t'es brûlé. Mais ça, c'est voilà. Voilà, alors qu'à ce moment-là, on voit pas encore qu'il est. Non, c'est. Il est en train de se faire cramer la gueule. Hein. Arrêt sur l'image. C'est ça qui est drôle. C'est drôle parce que c'est. Richard Kincaid et Dallas Blackwood. Réputation, tête brûlée. Et ce qui est marrant après, c'est que à la suite de la scène où du coup il balance les frites sur le tenancier du dîner, ouais, il dit j'ai toujours su que j'étais un dur à cuire. Toi, c'est vraiment les punchlines, vraiment style série Z ou les films, oui, avec. Oui, qui se prennent pas au sérieux ou qui disent voilà, fuck. Genre les films avec, avec Steven Seagal. Oui. Quand il dit. Tenez, voici ma carte de crédit. Et là, du coup, il a des lames qui sortent de la carte de crédit. C'est ça. Dis-moi où tu l'auras. Bah, tu l'auras dans le cul. Ouais. Genre, et là, c'est méga bagarre, quoi. Oui. Ça que je trouve drôle, c'est que bah, voilà, ça reprend vraiment les codes. Mais digéré. Voilà, là c'est sur un tome, quand t'as lu 400, bah du coup t'as les tu mêmes comprends le délire, codes, tu reprends. Surtout que là en plus. Non, je vais vous laisser découvrir, ça vous fera plaisir sur les tomes suivants. Mais du coup, en fait, voilà, là on a vraiment dans ce premier tome, c'est vraiment l'essence, et c'est vraiment la première partie. Ouais. Tu sens derrière, c'est en fait, c'est comme si c'était l'épisode pilote d'une série. D'accord, et après de ce genre ça mature un peu. Tu ne comprends absolument rien du tome avant d'arriver à la dernière page. Hein. C'est ça. Tu as 4 chapitres, il n'y a aucun point commun entre les chapitres avant la dernière page du tome. Ouais, parce qu'en fait, c'est le. Ça, c'est déjà. Le récit est découpé temporellement. Voilà. On va voir une première partie donc sur le premier chapitre, c'est principalement sur justement les militaires et les mutations, et c'est pas la partie, on va dire, c'est vraiment le tout début. Donc c'est quand t'as le général Matthews qui vient sur la base pour constater le truc, ouais. T'as tout le chapitre où bah voilà, tu vois qu'il arrive dans la base, qui demande à voir le phobique, qui rentre dans son labo, qui constate qu'il se passe un truc bizarre. Et là, t'as une première, on va dire, une première attaque de zombies parce que le docteur phobique les libère. Ouais. Et en même temps, pendant ce passage-là, en fait, dans ce laps de temps, quoi. T'as une partie, on va dire, passée, donc qui est l'arrivée de Matthews, et en fait, un soldat qui va transporter des... On sait que c'est des matières un petit peu dangereuses. Ouais, il fait un convoi, justement, pour transporter ces matières-là. Et en fait, tu comprends que c'est lui qui raconte ça à son copilote. Voilà, c'est ça. Et à la dernière page, tu vois le camion qui dérape de la falaise. Ouais. Donc tu dis, ah. Ok, donc ça remet avec les événements des gros poissons du lac au début. Ouais, c'est ça. Alors que, bah, en fait, je vous spoil à moitié, c'est pas directement ça, en fait. Oui, c'est pas lié directement à ce moment-là. Non, mais ça permet de jouer avec le... Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. Je crois que tu vois vraiment la scène en entier dans le tome 2. Et je crois que tu dois voir encore une partie dans le tome 3. Tu raccroches encore les wagons, en fait, jusqu'au premier tome, dessus. Bah, à la fin du tome 1, voilà, tu vois le camion qui se casse la gueule. Ouais. Et qui tombe dans le lac et qui, du coup, diverse ses produits. Vois, en fait. Ouais. Et du coup, rien que sur tome-là, tu dis, ok, bon, bah, en fait, c'est les produits chimiques qu'on voit à la fin qui génèrent les poissons super gros au début. Je pense qu'après, ça en arrêtait là, toi, au niveau de l'histoire. Toi. Oui. Alors que, mais c'est vraiment que la première partie. C'est vraiment, on va dire, l'épisode pilote de la série. D'une série qui va avoir une cinquantaine d'épisodes. Oui. C'est ça. Ok, game. Du coup, est-ce que en lisant ce premier tome, ça vous a donné l'envie de lire la suite? Ah oui, oui. Oui. Ouais. Carrément. Non, c'est ce côté feuilletonné un peu, tu sais, qui. Voilà. C'est ça qui donne envie de suivre la suite. Oui, parce que c'est bien raconté, tu vois, c'est bien impliqué, c'est bien. Même si on le lit en tome de 4 chapitres. Ouais. Chaque chapitre se termine sur un cliffhanger. Vraiment, comme oui, il y a un truc. Et puis tu dis comment ça se raccrocher au wagon et tout. Non, moi j'ai bien. Bon, franchement, j'ai bien apprécié. Pour moi, ça, tu vois, quand on essaie de justifier la BD franco-belge à 15€, pour moi c'est ça, tu vois. Oui, et c'est pas 46 pages ou. Non, là, t'en as une centaine. 96, allez. Je sais pas si un double album, si t'as les numéros, il me semble. Ça doit être un double album, je crois. Je suis pas sûr à 100%, ouais, mais 90. Ouais, non, ouais. C'est ça. Ouais, non, ça te fait un double album. Toi, je suis le fan de Franco Belge par l'éternel. Non, tu vois, voilà, pour moi, c'est ça. Tu vois, le Franco Belge qui a essayé de se réinventer, c'est ça. C'est les gros tomes. Voilà. Clairement, je mets ça dans le haut du panier du Franco Belge. Avec Freak Squill. Ah, Freak Squill, oui. Les grosses BD, cartonnées et épais, c'est pas. Tu le sens quand tu le touches. Toi, ouais, ça fait pas c'est le. C'est pas foutage de gueule, non, c'est pas le bruit des BD, on va dire, classique. Tu sens que c'est. C'est plus lourd. C'est plus lourd. Voilà. Ouais, puis. Ouais. Tu sens que c'est du vrai cartonné. Ouais. Ah, et puis là, t'es quand même. Tu vois, Freak Squill, il y a plus de pages. Mais là, tu vois qu'en termes de narration, on est. C'est un peu plus réfléchi, toi. Oui, après, voilà. Oui, voilà. Après, mais de toute façon, après, c'est toujours une histoire de. Mais tu vois que là, au niveau de narration, au niveau du placement de certains trucs, toi, t'es un petit peu différent. Tu vois, il réclame voir le cliffhanger du chapitre 4, tu sais de rattraper les. Mais tu te dis, finalement, toi, t'as qu'à lu le volume 2, tu te dis, ah, finalement, il y a encore des. Mais en fait, c'est ça. C'est en plus, et du coup, Asto ouvrir le tome 2, je sais pas comment ça s'appelle, mais les pages après la couverture, vraiment, on va dire l'intérieur, comment on appelle, évolue. En fait, c'est sur le premier tome, en fait, on voit les cadavres à la morgue, donc après, avec le pied, zombies, avec les étiquettes, et le tome 2, ils sont levés. Le tome 2, ils sont levés. Et je suis pas sûr que à la fin du tome 1, on les voit pas se lever en fait. C'est pas le même. Non, il me semble que c'est la même chose. C'est la même chose, peut-être. Ils sont. Oui. Parce que je sais que justement, t'as une évolution dans le, on va dire, l'intérieur de couverture. Oui, après, ça peut faire écho à. Le commencement de la fin. Et du coup, là, du coup, pour le tome 2, t'as vraiment là, on va dire... le casting. Voilà, c'est l'affiche de film. Le titre en haut, style série Z, avec Apocalypse écrit de façon... Apocalypse. Dégoulinant. Dégoulinant, voilà, j'allais dire bavant, mais ça fait bizarre. Très... Voilà, les contes de la crypte. Voilà, ça, voilà je cherchais une typo ressemblant, mais ça fait, voilà... Non, ça ne fait pas ça directement, aussi. Ouais, t'as ce côté. Moi j'aime bien. Finalement, ce genre de BD, t'es assez proche de l'expérience, un peu comme est prôné dans l'art contemporain, en fait. Finalement, c'est une expérience, en fait. Oui. C'est ça. T'as un peu autre chose qu'une narration bête et méchante, en fait. Je trouve. Oui, et en plus, là, au fil des récits, en fait, dans le tome 1, voilà, en fait, ça... C'est insifié, ouais. Ça s'intensifie, et t'as d'autres personnages, parce que dans le tome 1, on va voir les frères Blackwood, on va voir le shérif, le général, l'assistant, on va voir la serveuse du dîner, mais en fait, c'est très... Qui est super bien introduit, d'ailleurs, qui... L'action est quand même assez resserrée parce qu'on va avoir un peu de base, un peu de désert et le convoi qui roule, qui déplace les produits chimiques et le dîner. Ouais. Non, il y a très bon, l'action très peu ouais. Et à chaque fois l'action est très resserrée sur, on va dire 3-4 zones bien spécifiques et on va pas trop bouger de ces zones là. C'est ça. Mais c'est vraiment comme si c'était une série à huis clos. C'est ça, oui, c'est bien. De série Z avec des... Et même un peu plus, tu vois, voilà. C'est vrai, il y avait le plus-value de la BD, tu vois. En plus derrière, voilà. En plus du plus-value série, il y a le plus-value de la BD. Tu vois, il y a certains cadrages, il y avait un cadrage de façon caméra, stoppage avant. Tu vois, il y a marqué REC là. Toi, t'as un cadrage caméra, c'est un cadrage carré-carré. Et tout est en carré-carré, du coup, après, derrière. Et après, quand tu vois, je pense que derrière, l'action s'intensifie un peu. Ouais, tu... T'as des plans un peu plus larges, t'as des plans transversaux, même. Tu vois, là, genre, ça s'intensifie, c'est des plans hyper resserrés, blam. Tu vois, moi, j'aime bien ce côté, moi. Des plans très resserrés. Moi, je trouve que la BD, c'est là où elle a vraiment une plus-value immense. Parce que c'est des trucs que tu peux pas faire au cinéma. Parce que au cinéma, quand tu décides de faire du plein écran, souvent, à part les films un peu. Les films un peu starbés, là, enfin, les films un peu d'expérience, là. C'est pas. Rare. Ou sinon, il faut que ça soit les films de genre, en fait. Les Tarantino rentrent clairement dans ce découpage-là, même si on. Ah, mais les Tarantino, qu'on le veuille ou pas, c'est des films de genre par excellence. Parce qu'il aime bien les cadrages un peu chelous, il aime bien déstructurer le rythme à l'écran. Oh. Encore même moins qu'à une époque, parce qu'à une époque, il était très... Enfin, que tu regardes Boulevard de la Mort ou... Là, en plus, c'est que sur les... Ouais. Justement, sur Boulevard de la Mort et Planète Terror... Il était presque abri de rabat, ils s'en foutaient. Oui, justement, c'est les films... ce qu'ils ont appelé les films Grindhouse, c'est vraiment les... film de série Z et Machete en vernable. Ce Machete, avant d'être un film, c'était une fausse bande-annonce projetée avant le Planet Terror et Boulevard de la Mort. Ouais. Parce que c'était vraiment des séries Z où tu te prends pas la tête, en fait. C'est plus qu'assumer. C'était même des codes qui étaient digérés et qui étaient même augmentés. Voilà, tu prends les codes et tu les amplifies à fond. Ouais. Tu sais que de toute façon c'est pas réaliste, mais c'est du pur action. Quand tu vois que le premier Machete, bon, ça reste classique, c'est un petit peu ouf. Ouais. Le deuxième, au début du film, tu vois que de toute façon il va s'en sortir et qu'après il va dans l'espace. Ouais. Et que justement durant le film, tu vois l'action et qu'il part dans l'espace et qu'à la fin ça reste dans l'espace, tu fais putain, mais oui, mais il... En fait, voilà quoi. Il te construit le truc comme si il te construisait la légende au final. Non, mais c'est, Robert Rodriguez, c'est bien structuré ces trucs. Hein. Ses films à chaque fois sont quand même assez. Bon, il a fait des films un peu moins. Fait des bons films quand même. C'est sûr, c'est pas des films, on va c'est dire. Pas Spike Kid. Voilà, c'est pas des trucs cérébrales, c'est vraiment. Voilà. Mais quand même, ça quand même. On va dire, c'est voilà. Du Michael Bay dans le côté où, voilà, c'est, il y va à fond. Voilà. T'assures pas les explosions de partout et trucs, mais en fait, il va à fond dans son concept. Voilà, c'est ça. Et tu le ressens. Et dans ces films, ça reste du cinéma, hein, comme le nom, ça reste quand même une idée du cinéma qui. Voilà, il voit du bois. Quoi. Moi je trouve, enfin après. Putain, mais. Qu'est-ce qu'on brode quand même ? J'adore les. Du coup, tu parcours le tome 2 ouais. Et Non, mais c'est j'adore ça, il y a. Les présentations de personnages et les espérances de vie, ça me fait tout le temps mal. Il y a un sens de découpage, moi que j'apprécie énormément. Moi, c'est ça. Pour moi, le franco-belge, tu vois, c'est ça. La BD, en termes général, les manga, comics, pour moi, tu vois. Ça doit servir à ça en fait. Ça doit servir à ça. Tu vois, des fois dans le comics et le manga, bon, le franco-belge aussi, parce que c'est très contemplatif, on va dire. Ça s'est un peu paumé là-dessus, tu vois. Y a des fois, c'est un peu trop. C'est un peu touchy. Quoi. Le comics, souvent, parce que le comics a des rythmes de parution qui commencent à être. Qui sont très soutenus. Alors pourtant, qu'ils ont des auteurs. Jim Chung. Voilà. J'allais dire, c'est pas des Mickey, quoi, les gars. Et les gars savent dessiner comme jamais on ne saura dessiner, quoi. Même avec tout l'entraînement du monde. Et des fois, je trouve que c'est un peu trop touchy, tu vois. C'est un peu trop, on est là pour raconter une narration, quoi, tu vois. On est là pour dire que Iron Man, oh là là, pauvre Iron Man, il a un problème à son mur de feu. Pour rigoler. Voilà, parce qu'on est très panini chez nous. Hein, oh là là, le mur de feu, tout ça. Oh là là, pauvre Iron Man, quoi. Non, pour moi, ça doit être un peu au-dessus. Surtout en termes où on cherche d'aller chercher des lecteurs un peu plus parce qu'à une époque ils avaient des lecteurs mais en voiture on voit là quoi. C'était il n'y avait pas de concurrence de la télé, il n'y avait rien quoi. Enfin, à l'époque quand Jack Kirby sortait des Captain America, il avait zéro concurrence au casino. Maintenant on va dire que bon, il y a juste un peu Netflix, internet, C'est pas du tout le même contexte, donc du coup c'est sûr que voilà, pour moi si la BD n'apporte pas une plus-value, je vois pas l'utilité quoi. Surtout si c'est pour raconter Civil War 17 où c'est toujours les mêmes qui se baillent ou à peu près les mêmes et qu'à la fin en fait on fait oh là là, finalement on s'est quand même un peu trompé. Bah oh, on va remonter le temps. Et du coup t'as Spider-Man noir qui revient de je sais pas d'où. Mais de lui-même, parce qu'il était déjà présent sur la Terre. Ouais, c'est ça. Et là du coup tu te dis mais surtout quoi. Bon, parce que c'est fait pour attirer les gens, du coup, alors eux, voilà. Mais le fan qui est fan depuis des années, c'est surtout celui-là qui suit, quoi. Enfin, le type, il se dit, mais. Bon, c'est pas, une fois ça va, mais 10 fois, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Et là, voilà, t'as une certaine fraîcheur, quand même. Même si c'est des codes recyclés, t'as quand même une certaine fraîcheur au niveau du truc, quoi. Je trouve. Donc, du coup, est-ce que t'as trouvé des trucs un petit peu choc dans les présentations, Asto? Ah bah la présentation de Linda quoi. Vas-y dis. Linda, profession bouche-trou. Signe distinctif, gagnante du concours de t-shirt mouillé tout en est confondu. Point fort, 70% fille facile. Point faible, 30% implant mère. Espérance de vie vient de se faire mordre par un poisson zombie. 3 petits points. Non voilà. Mais c'est ça tu vois, c'est un peu tac au tac tu vois. Parce que des fois dans les séries américaines, souvent ça se prend trop au sérieux. Parce que c'est la série américaine, tu sais, c'est. Oui, tu vous savez, dans Walking Dead. Faut que ça soit un petit peu lisse, épicé. Et voilà, ouais. Tu sais, c'est genre dans Game of Thrones, il y a du viol. Mais non, mais c'est pas. Justifié ou je sais pas quoi, tu sais. Genre, Emilia Clarke, elle va se faire péter le cul qu'elle en peut plus. Mais non, mais c'est pas grave. Alors qu'elle vient à la maison, elle se fait péter le cul autant, elle pleure qu'elle en peut plus. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ben, c'est pareil, Nathalie. Dormeur, elle vient à la maison, elle repart pas, quoi. Attention, elle est morte. Attention, elle est morte, ouais. Quoi? Mais tu nous as tous spoilé le film. Elle vient à la maison. Ouais. Je peux te dire, elle a le cul qui fume. Quoi. Non, c'est pas bon, hein. Elle a le cul qui fume, elle vient à la maison, elle a le cul qui fume. Mais je me suis arrêté à la saison 4. Ah bon? Ouais. Donc voilà. Elle est morte. Ouais. Donc tu vois la. Avec son frère. Non mais chut. avec à peu près toute la ville. C'est le mariage rouge non? Non c'est ça c'est non, les 5, noces semblants. Les noces anglaises c'est mariage. C'était les Stark. Ouais c'est les 5 je crois. Ouais. Et pourtant j'ai pas suivi. J'ai fait comme les spoils. J'ai fait comme. Bah là il y a tout qui pète. Ouais c'est ça. Il reste plus que Cersei. Donc tu vois dans la série américaine on veut être subversif mais en même temps on fait non. Tu vois à partir du moment où ça parle de Dieu ou je sais pas quoi non faut pas déconner quoi. Tu vois? Bah après je pense ouais ça va être le côté plutôt puritain du. Ah oui non mais c'est les Américains c'est il y a du viol mais si on parle mal de Dieu non c'est Nathalie Dormer elle peut se faire péter le cul par un type il a le chibre mais c'est un camion non ça va mais ça les choque un peu tu sais quand même parce que c'est quand même du viol mais après ah non mais pas Dieu quoi. Faut pas déconner quoi ils ont des pots de fleurs sur la tête. Et là, tu vois, t'as ce côté très subversif à la latine, tu vois. Pas la française, mais je dis à la latine, tu vois. Finalement, tu vois, c'est pas du hentai, parce que les Japonais, ils font des trucs dégueulasses. Mais en même temps, t'as ce côté... Là, t'as quand même une double page. Une pleine page. Voilà. Pleine page avec des incrustations de cases, de dialogue. Ta case dans la case principale. Ouais, c'est... Mais ça, c'est très BD, tu vois. Dans le cinéma, tu peux pas le faire, ça. Parce que t'as le cadrage qui t'impose, t'as un format, tu auras le dernier Star Wars, ah c'est bien filmé, mais tu peux pas te permettre ce genre de choses, tu vois. Et moi c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que je trouve que certaines BD, ben, c'est trop blanc. Pour moi c'est raconter une histoire, si on sortirait un roman. Un roman, oui. Ce serait pareil, quoi. Parce qu'il y a pas mal d'histoires, sortir un roman, ce serait pareil. Quoi. Et moi je trouve que c'est un peu dommage. Dernière narration, quoi. Donc ouais, c'est tout ce que j'avais à raconter sur cette magnifique BD, je sais pas combien de temps on y est dessus. Là, mais... on est 55 minutes. Mais du coup, ouais, donc du coup, pour les rappels, donc c'est Apocalypse sur Carson City. L'auteur, c'est Griffon, ouais. Avec deux F. Qui a fait une première BD qui était bien, je crois. Ouais, bah, qui s'appelle Billy Wild. Billy Wild, ouais, j'en avais déjà entendu Billy bien. Billy Wild. J'avais déjà entendu bien à l'époque. Et du coup, quand je l'ai rencontré à la dédicace, bah, il m'a un peu parlé de la suite de Carson City. Donc il va y avoir la fin qui va arriver d'ici peu. C'est ça, sous peu. Non, c'est ça, sûrement sous peu. Il avait fini les dernières planches, ou il était en train de finir les dernières planches, donc ça va vraiment... Est-ce que ça sort pour Angoulême? Pardon. Je ne pense pas. Je sais plus quand est-ce, mais c'est en cours. Et que bah il était déjà sur un autre projet sur la suite parce que du coup l'histoire va se terminer avec avec la suite quoi. Qu'est-ce qu'il y a? À la présentation de Wanda avec espérance de vie, elle est dans une voiture du coup. Espérance de vie a déjà pris la place du mort. Non mais c'est ça qui est bien tu vois c'est ça fait partie des médias qui ont pu digérer le truc, tu vois. Comme si au début, espérance de vie, gros mal de crâne à venir, deux bulles plus loin, il se prend une pelle. Oui, mais justement, c'est ça que j'aimais bien aussi, c'est dans... Ça te coupe dans l'action. Oui, c'est ça. Ça te raconte... Ça t'oblige à ralentir un peu la narration. Et que, voilà. Ensuite, c'est pas que ça ralentit, c'est que ça coupe, parce que t'es dans ta narration, et là, t'as un zoom, un focus sur un personnage avec des trucs en plus... Et ça te rajoute soit des détails que tu sais déjà, genre il vient de se faire mordre, il en a plus pour longtemps. Wow. Il va avoir un gros mal de crâne ou des trucs du genre. Un gros mal de crâne à venir. Mais des fois, ça se fait pas toujours. Tu joues un peu avec le lecteur, tu vois. Et ça, j'aime bien. Et du coup, je repense à ça, mais ça fait un peu comme dans les BD de Stan Silas, La vie de Norman. Ouais, c'est ça. Où c'est un peu le même style, c'est hyper référencé. Et il te distille en fait les éléments au compte-goutte jusqu'à justement l'élément où ça va arriver. Non, mais c'est ça. Souvent, il y a pas mal de jeux vidéo qui se posaient la question récemment. Où on se dit, ouais, la référence à quel point elle est bien. Quoi. S'il y avait des jeux, ils te mettaient des références de Retour vers le futur. Tu sais, on les empilait, c'est genre. Un peu comme un millefeuille, mais au bout de moment, il devenait dégueulasse, tu vois. Et là, tu vois, on reste quand même assez fin. C'est un récit qui, quand même, tient par lui-même. Mais en même temps, il s'appuie sur des trucs externes. Pour un peu, nous, on a de la culture, voilà. Je vous fais une petite blague sur je sais pas quoi. Voilà. Et ça vous fait rigoler en plus. Oui. C'est pas, bah tiens, je vais vous mettre une confiture de référence et puis démerdez-vous avec. Oui, après, ouais, si vous les avez pas, bah tant pis. Là, c'est vraiment, si t'as la référence... Ouais, c'est ça. Si tu l'as, bah tu... Tant mieux. Tu rigoles. Ouais. Mais je suis sûr, même au niveau des dialogues, il y avoir des références qui sont, lui, il a repris, un petit peu peut-être transformé, qui viennent de films de genre qu'on trouve sur Nanarland, quoi. C'est ça. C'est purement un récit que de films que tu retrouves sur Nanarland, en fait. Ah oui, non, mais les noms des auteurs, moi, des acteurs, je peux te dire, ça, 100%, Mike Baron, tout ça, c'est les types qu'on fait du nanar d'anthologie. Parce que moi, c'est ma branche. Moi, le nanar d'anthologie, moi, ça me fait rigoler, mais pourtant, il faut se les taper. Hein. Je l'avais, mais... Non, pour moi, voilà, c'est ça. C'est de la culture, mais digérée. Mm. Et de la BD digérée aussi. Non, c'est pas, on fait pas de la BD pour dire waouh, regardez, il fait l'attaque des multi-coups de poing. Regardez, waouh, c'est trop impressionnant. Ou regardez, waouh, il a un beau bouclier ou aïe, Hydra. Non, on fait pas du Captain America Gate ici. Ouais, ou alors que trois tomes après, on t'a fait un petit. Non, en fait, on s'en branle. Mm. Quelle est l'utilité, quoi. Non, c'est de la BD un peu digérée. Qui tient par elle-même aussi, par essence, et ça, c'est, moi, je trouve ça chouette. Voilà. Après, du coup, je pense que ce qui est bien, c'est dans ces histoires-là, c'est pas ce que j'ai fait, mais je viens d'y repenser, c'est que avant de lire le tome suivant, tu relis les thèmes d'avant. Oui. Parce que du coup, en fait, tu vas découvrir plein de petits trucs que tu n'avais pas forcément pris conscience au moment de ta première lecture, qui vont prendre sens en fait avec le tome 2 ou le tome suivant, par exemple. Pour moi, la musique, c'est exactement le même problème. Pour la musique, c'est ça. Mon film, c'est pareil. Il doit y avoir, à un moment donné, comme on dit, un type de seconde lecture. Avec les Disney, s'ils ont du succès aujourd'hui, enfin encore, j'ai envie de dire, c'est parce qu'ils ont le même, ils ont pris en compte la même problématique. Si tu veux, ils ont pris l'axe de lecture du jeune, enfin de l'enfant, et l'axe de lecture de l'adulte. Donc c'est pour ça que des fois il y a des trucs comme tu fais des blagues un peu vaseuses, mais tu sais, un peu déguisées, un peu comme font les Shrek. Oh, Shrek, c'est à cartonner, c'est à cause de ça, tu vois. C'est surtout à cause de ça, surtout, je pense. Du coup, tu fais, ah, il y a une blague vaseuse, ça te fait rire. Mais quand t'étais jeune, tu l'avais pas compris, tu vois. Mais ça t'avait fait rire parce que le personnage était. Oui, parce que. Un peu bizarre. Là, ou, c'était plutôt, on va dire, un comique de situation. Voilà. Ou un peu de genre. Alors qu'après, c'est. C'est sur les phrasés, sur les. Sur les références, en fait. Même. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'on. Moi, je trouve que c'est là qu'on reconnaît une œuvre pourrie. Une œuvre qui a vraiment de la qualité. Pour moi, une bonne musique, c'est une musique que tu l'apprends 5 ans après, tu l'as écoutée un certain nombre de fois, et puis tu te dis, ah ouais, finalement, la ligne de piano, elle est finalement vachement plus élaborée que ce que je pensais. Ou tu cherches tes écouteurs, tu tombes sur des écouteurs qui sont bien meilleurs, tu te dis, ah ouais, le gars, en fait, il avait essayé d'accentuer la ligne de basse pour exprimer, je sais pas, la détresse, ou je sais pas. Et je trouve que celle-là, qu'on reconnaît pour moi les bonnes œuvres. Et là, pour moi, ça en fait partie parce qu'il y a une lecture derrière où tu te dis, bon, voilà, en seconde lecture, tu découvriras des trucs que tu n'as pas mis en première lecture. Je pensais après, parce que j'ai pas lu les 5, parce que c'est le genre de truc où tu. Je pense qu'il faut que l'auteur a laissé macérer. Ouais. Et toi-même, faut que tu laisses macérer un peu. Un mot à ajouter à ce temps ou Un mot. Un mot. Lisez. Ça fait deux, ça, non? Le mec s'est compté. Zé. Mais c'est qui Zé? On va des trucs à aller. Ils disent que c'est facile. Et visiblement, c'est très facile. En plus, c'est un faux plein de séquence. Oui, c'est vrai. Moi, je peux te dire, elle prendrait très facilement. Pardon. Du coup, ouais, c'est. Alors, est-ce qu'on sur une échelle de recommandation, on dirait quoi? On dirait. Lisez-le sur 20. Ouais, voilà. Lisez-le sur 20. Donc voilà, pour moi, et voilà, ouais, bon après, c'est pas the top of the pop, c'est pas du plus tôt, comme on en parlait dans le podcast précédent, ou du. Mais quand même, tu vois, ça fait partie des trucs où tu te dis, voilà, t'as une vraie plus-value sur la BD. Ouais, et puis même après, t'as le. Et puis c'est des trucs que tu peux garder et que tu peux relire. Parce que et des... c'est ça, c'est les BD, c'est un, quand même plutôt un bel objet, parce que c'est pas. Voilà. C'est pas forcément. Si, c'est un format classique plutôt. Ouais. Mais, voilà. Je suis un peu pas touchy, mais pas touchy en ce sens-là. C'est, tu peux le relire, parce qu'il y a pas mal de BD, moi je les ai lus, Je les relirai jamais. Oui, tu les poses en fait. Tu les poses, tu les mets dans ta bibliothèque et tu te dis, bon, je les ai achetés. Quoi. Mm. Puis bon, quand c'était à, à 100 francs, ou à 80, 55 francs, comme on disait à l'époque, ça allait. Là, tu commences à passer les 16 euros maintenant, bon, tu commences à te poser la question. Puis genre, je n'y reviendrai pas parce que j'en ai parlé pendant des tonnes de podcasts. Quand tu vois comment sont rémunérés les auteurs derrière, on va faire un débat, mais les types sont payés 35 centimes par la BD. Voilà. Les gars, on part d'en sortir des quantités astronomiques. Mais chose étonnante, je crois que c'est dans le Spirou Spécial Vacances, ou justement dans le... Donc il y a une partie dans le journal de Spirou, et c'est une question des... J'allais dire des auditeurs, mais des lecteurs. Ouais. Ils prennent une question et ils répondent. Ouais. Et à un moment, c'était justement deux personnes qui étaient en cours de... pour faire... se professionnaliser dans le dessin. Ouais, et ils disaient que ouais, c'était vachement enrichissant de lire que ouais, les prochaines stars lisent Spirou. Oui. Mais après, derrière, le mec qui répondait à la question, le rédacteur chef, il disait ouais, c'est un beau métier. Mais c'est un peu le métier passion, quoi. C'est le métier passion, mais c'est hyper difficile. Toi, il disait quand même que actuellement, toi, c'est, et je trouve ça symboliquement, toi, un journal de prépublication de BD qui aborde le problème. Voilà, il te montre, il dit voilà. Voilà. Parce que y a... c'est un petit peu dur quand même, parce que c'est pas un métier, on va dire, facile. Bah, le jeu vidéo, c'est le même problème, c'est le métier passion. T'es payé un point passion, sauf voilà. Un point passion, bah. On revient encore au podcast précédent, et ben tu fais comme Bakuman, et ben tu finis à l'hôpital. Oui, voilà, parce que... Pour les meilleurs, tu finis comme l'hôpital, quoi. Mm. Sinon, tu manges des nouilles. Tu manges des nouilles. À partir du 3 du mois, ouais. Tu manges des nouilles. Comme disait Coluche, le problème dans le mois, c'est les 31 derniers jours les plus durs. On est assez proche, quoi. Enfin, c'est des métiers où souvent les types se payent une maison, ou les gars ont du mal à se payer un sandwich. Oui. Enfin, moi je connais les deux extrêmes, quoi. Donc c'est un très beau métier, ouais, mais c'est plutôt un métier difficile. Ah oui, dire que c'est difficile surtout actuellement. Enfin, il y en a qui font de l'illustration à côté, il y en a qui ils essaient de raccrocher le wagon, quoi. Parce que à un moment donné, oui, faut bien bouffer quand même. Oui. Faut bien bouffer. Ou il y en a qui sortent 3 tomes par an, quoi. Je pense pas que tous les dessinateurs sont capables de sortir 3 tomes par an, quoi. Non. Surtout que bon, bah, t'as des week-ends qui sont un peu shorty. C'est ça. Ouais. Même en étant que dessinateur. Hein. Oui. Bah, bon, allez, on les applaudit. Allez, on les applaudit. Just clap. Bravo, bravo. Bon, du coup, bah, fini pour mon imposé. Oh, c'était très bien. Toi, c'était on a bien... donc ce premier imposé. Ah. Et, donc, il va et falloir, je crois que c'était bien. Bientôt choisir l'imposé éventuel pour le prochain podcast. Mais en attendant, on va pouvoir passer au quiz des Gandalf. Oh un peu de jungle. On est sous comme des cochons. Je suis complètement cramé. T'es fatigué un peu. C'est de la bière. Ouais, moi aussi, j'ai ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Ah, alors vous savez, avec Gandalf 81, il y a toujours un quiz un peu... Enfin, un dossier, un quiz, bon bref. Un quizier. Un do-quiz. Alors, à chaque fois, Gandalf, bah, en fait, il casse les règles. Il fait deux dossiers. Il fait deux dossiers, ou deux quiz-dossiers, ou... Il fait deux dossiers. Voilà. Mais moi, je suis comme ça, moi, je passe par le cul, je suis comme ça. Oh. Bah, rien à péter aux conneries. Je suis là, je fais des fuck aux gens. Il encule le podcast. Oh. Et je l'encule le vénère. En plus. Parce que je suis comme ça. Bon. Donc, cette fois-ci, je vais même pas essayer de chercher un truc drôle. Je vais vous parler d'Antoine de Maximy et les pays du monde. Donc, en parlant d'Antoine de Maximy, déjà, je fais coucou à quelqu'un peut-être qui nous écoutera, donc Hubertoy, qui s'occupait il y a quelques années. Je pense qu'il a un peu laissé le navire partir du site non officiel de J'irai dormir chez vous. Donc voilà, Antoine de Maximy fait l'émission J'irai dormir chez vous. Donc le but de cette émission est très simple. Il va dans des pays étrangers, généralement dont il ne connaît pas grand-chose, et il essaie de se faire inviter à la maison. Et autant vous dire, dans certains pays, c'est des merdes. Ça va. Dans d'autres pays, autant vous dire, ça va moins. C'est la galère premium. Là. Écoute, si tu vas en Corée du Nord, c'est peut-être plus difficile que si tu vas... Donc déjà voilà, donc c'est en fait c'est une espèce de vrai faux quiz où je vais vous apprendre des choses multiples et diverses. De toute façon on a assez digressé, maintenant je sais que je suis dans les clous. Par rapport au... On est à une heure, on est à une demi-heure. On nous sommes une bonne demi-heure, ça va un peu digresser pépite. T'as le temps, il en reste encore beaucoup de temps. Il me reste du whisky par contre, j'ai à piquer. Et ça, on commence à avoir les yeux qui pleurent. Donc, déjà je vais essayer de vous faire deviner combien il y a de pays dans le monde. Genre à peu près reconnu par l'ONU. L'ONU. Oui, parce que il y a plus de pays que de pays reconnus par l'ONU, parce que l'ONU, vous verrez, plus tard, n'en reconnaît pas tous les pays. 220. Toi, tu t'approches déjà. Et ouais, j'aurais dit 200 et quelques. Hein. Ah, toi, tu es plus près en disant 200. Ouais, 206. Un peu plus tard. 200. 202. Tu as moins de. 202. Oui. Il y en a moins de 200. Il y en a moins de 200. Ah ouais. Ah ouais. Reconnu par l'ONU. Il y a quand même une zone tampon où voilà, j'accepterai le, parce que 195. Non plus. Plus ? Non, 195, non, ça en fait, il y en fait. En fait, tu en as 193 et il y en a 4 au nom. Plus, c'était moins. Voilà. Et en fait, tu en as 4 au nom reconnu en fait. Ah. À peu près. Donc tu vois, tu es dans ces eaux là en fait. Quand tu es 197, en fait, tu étais dans les coups. C'est lesquels qui sont non reconnus si tu les as ? Alors, je les ai pas notés. J'ai mis le lien Wikipédia. Je m'en vais. Parce que, en fait, si vous voulez, par rapport à la liste que je vous donnerai tout à l'heure, il y a des pays qui ne sont pas reconnus par d'autres pays de l'ONU, et du coup, ah ben non, c'est pas des pays en fait. Mais quand même, c'est des pays. Du coup, c'est un peu what the fuck. Toi, tu sais pas trop s'ils sont reconnus ou pas. Parce que vous allez voir, il y a des pays qui ne sont pas reconnus, vous allez vous faire, ah ouais, quand même. Voilà. La France. La France. Parce qu'en fait, Marine Le Pen, la France. Pardon, fallait le sortir. Non, pas de politique. Oh là là, pas de politique. Donc voilà, donc en fait mon quiz ça sera simple, je vais vous donner un nom de pays. Vous allez me dire s'il existe ou pas. Et si Antoine de Maximi l'a visité ou pas. Putain. S'il existe pour l'ONU. Ou s'il existe S'il existe, s'il existe. Alors moi j'ai mis par rapport à l'ONU. Mais quand même je mettrai quand même une nuance. Oui. Parce que j'ai noté, parce que vous allez voir que j'ai mis des pays que tu connais pas. Mais vraiment si tu connais, c'est Pupi sous la table. Ben, non, parce que si. J'avale. Ah, mais c'est par toi, bon bah non alors. J'ai pas dessin, mais j'avale. Donc par exemple, je vais prendre la Finlande. Ça, voilà, je crois que je connais comme ça. Tu connais, mais est-ce qu'Antoine de Maximi l'a visité? Je pense pas. Moi. Si, toi, c'est que j'ai allé dans un. Non, tu dis quoi toi? Moi non. Non, et toi? Moi je dirais oui. Et c'était oui. Ah. Voilà. Ouais, après, je prends un pays, tu vois, alors c'est Singapour. Ah. Parce que c'est reconnu comme un pays, Singapour. Voilà, parce que j'ai mis aussi. Je dirais non. Voilà, et toi? Attends, Singapour, c'est... j'essaie déjà de visualiser en Indonésie. Asie du Sud-Est, quoi. Ouais, du coup, au nord de la. Du Japon. Au sud du Japon. Faut bien 3 heures d'avion. Au sud de Japon. Non, c'est vers l'Indonésie. C'est plus vers l'Indonésie, ouais. Mais c'est Asie du Sud-Est, ouais. Mais à mon avis, Singapour, non, ça doit pas être reconnu comme étant un pays indépendant, un truc, mais si tu veux. Ouais, mais je dirais non plus. Eh ben si, c'est reconnu. Oh, et Antoine de Maximi l'a-t-il visité? Là-bas, non. Je dirais non. D'accord. Eh c'est non, il l'a pas visité, bravo. Donc en fait, c'est un pays. Comment te dire? C'est un peu une micro-nation. Ah ouais, c'est-à-dire que vraiment, pour faire plus petit, c'est compliqué. Bah, le Vatican. C'est ça, c'est plus grand que le Vatican. Donc du coup, ils s'autorisent à contrôler les entrées dans le pays à balle. Et plein de choses comme ça, quoi. Du coup, ils ont un PIB de dingue. Et du coup, comme c'est très petit, c'est des bâtiments qui font 120 mètres de haut. Et le prix de l'appartement te fait dégueuler les couilles. Mais pour de vrai. C'est-à-dire qu'elles remontent, tu les sens macérées, là. Et puis après, tu les dégueules. Tu les as là, en fait. C'est ça, t'as les boules, t'as les gandes. Ouais, maintenant, je vais vous parler d'un pays qui s'appelle la Transnistrie. Athès, oui. Alors, je dirais non. Voilà. Alors, tout le monde dit non. Alors, techniquement, ce n'est pas reconnu par lui, donc c'est non. Ouais. Est-ce qu'Antoine de Maximi l'a visité? Oui. Bah, non, du coup. Non. Voilà. Bah, quoi, mais non. C'est un pays qui existe. Hein. Donc, je vais vous lire le descriptif que j'ai trouvé sur. C'est pas Wikipédia, c'est sur Topito celui-là. Donc, c'est putain, elle sort encore plus fort que Wikipédia. Top 5 des pays non existants. Le troisième à vous surprendre. C'est ça. Donc, mais l'effet Papillon avait fait un dossier là-dessus, quand même. Très beau dossier. Slate aussi a fait un dossier, je suis dessus là-dessus, je crois. Je suis pas sûr à 100%, elle avait des photos de Vladimir Poutine, d'ailleurs, c'est très dégueulasse. Certains auront peut-être sourire à la vue de ce nom, mais la Transnistrie est en tout cas internationalement très sérieuse. Voilà, enclavée entre la Moldavie et l'Ukraine, cette région, tantôt intégrée à l'Union soviétique, tantôt à la Roumanie fasciste, tant qu'à faire, décide de faire sécession de la Moldavie naissante en 1991, donc après la chute du mur. Et comme les Moldaves n'aiment pas trop qu'on se moque d'eux, un an plus tard, une guerre éclate, remportée par la Transnistrie quand même. Parce que autant vous dire, l'armée de Transnistrie, c'est tout le monde quasiment. Mmh. Dans le documentaire, j'ai jamais vu ça. Mais soutenue par la Russie, bien évidemment. Voilà. Depuis, personne ne sait que faire et la situation stagne. L'ONU, non. L'ONU s'en fout. Voilà. Et vous allez voir que finalement, personne, tout le monde s'en branle en fait. Aujourd'hui, le pays est conseillé aux nostalgies de l'URSS, donc ça restait encore un peu le vrai faux coco, tu sais. Mmh. Voilà. Pour son statut de pays figé en pleine guerre froide, la Transnistrie est tellement peu fréquentable que même ses alliés russes ne la reconnaissent pas comme nation. Ah oui, d'accord, même là aussi. Voilà. même son allié ne la reconnaît pas. Quoi, le truc, c'est ça, c'est pour te. Mais c'est vraiment l'enclave. En termes larges, c'est vraiment le truc, c'est le bout de. Enfin, c'est. Il y a une tranchée au nord, une tranchée au sud, et voilà. Encore au nord, bon, c'est la Russie, bon, je pense que ça craint moins, mais la tranchée au sud avec la Moldavie et l'Ukraine, on peut te dire que ça pète sérieux. Bon, de temps en temps, il y a des cessez-le-feu, de temps en temps, il y a des. Ça pète un peu, tu sais. Bon, de temps en temps, il y a un petit mort, quoi. Bon, bref. C'est voilà. Histoire de marquer le coup, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, non, c'était la Transnistrie. Donc il y a un autre nom, ça s'appelle donc la République Moldave de Dniestre. De quoi? De Dniestre. De quoi? De Dniestre. C'est un peu comme Poldev. Tu connais pas Poldev? C'est en Pologne, ça. Et moi je suis. Alors maintenant je vais vous parler de l'Érythrée. L'Érythrée, oui, ça existe. L'Érythrée, donc ça existe, voilà. Et est-ce que Antoine de Maximi l'a visité? J'irais même l'Érythrée. mais est-ce que Antoine de Maximi l'a visité? Peut-être, ouais. Quand tu dis oui, moi je suis un non. Ouais. Tu as raison, c'est non, parce que en fait c'est le pire pays au classement de la liberté de la presse. Ah merde. Après la Corée du Nord. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc autant te dire là-bas que quand tu es journaliste, autant te dire faut aimer la tôle ou la mort ou l'enculade. Tu n'es pas journaliste. Tu n'es pas journaliste, voilà. Tu aimes la mort en fait. Il n'y a pas de journaliste. Tu aimes la mort en général. Donc oui, c'est possible d'avoir. Mais après, quand je dis que c'est pire que la Corée du Nord, c'est-à-dire que c'est une place derrière. Là, c'est vraiment le pire pays. C'est sur 194 pays. C'est le pire. C'est vrai, c'est pépite. Pourquoi? Il y a un régime. Oui, je crois que c'est un. En fait, en ce moment, il y a pas mal de réfugiés, globalement, hein, parce qu'à cause des problèmes qui se passent, on peut pas dire que les réfugiés. Voilà. Donc, on a les réfugiés d'Iran, d'Irak, où c'est le bordel, pas possible. Et bien, on a énormément d'Érythrées, et eux passent dans ces filtres-là, pour vous dire le niveau de merde où c'est dans leur pays. Donc c'est un pays un peu au-dessus de la Corne de l'Afrique. Tu sais que tu vois dans l'Est. Mais ils se barrent de l'Érythrée, ils vont en Irak, c'est la fête. Presque. Non, mais c'est à ce qui paraît, c'est assez impressionnant là-bas. Il y a très peu du coup de retour là-dessus. Mais après, je vais vous parler de l'Iran. L'Iran, oui, ça existe. L'Iran, ça existe. Bon, voilà, donc oui. Mais est-ce que Antoine de Maximi l'a visité? Oui. Oui. Et c'est vrai. Donc ça a été rediffusé il y a pas longtemps. Donc il a galéré comme pas possible, tant vous dire. Parce que là-bas, tu accueilles quelqu'un chez toi, la police politique vient te taper à la maison. Mais oui, il a visité. Après, maintenant, je vais vous parler du tu l'as vu. Non, du tu l'as lu, pardon. Du coup. Est-ce que ça existe? Tu l'as vu, oui. Oui, ça fait très Amérique du Sud. Tu l'as lu. Ouais. Donc, le tu l'as lu, ça existe pour vous? Ouais. Ça existe. Est-ce qu'il a visité ou pas? Non, ça non. Non, il n'a pas visité. Peut-être que je me suis trompé parce que j'ai mis non, mais je crois que c'était oui, mais je suis pas sûr. Bref, d'après ce que j'ai marqué. Ah bah bravo! Bref, on va dire que bref. Ouais. Bref. Non, mais en fait, c'est en Polynésie, par contre. Ah, oui, c'est vrai. Que... Donc, c'est un pays très. Ah, un océan près, j'étais pas. Tu sors ta bite, tu es hors du pays. Ouais. T'es pas loin de toi. Après, il y a le Vietnam. Donc, le Vietnam, oui. Ça existe, voilà. Mais est-ce qu'il a visité? Non. Ah, le Vietnam. Non? Et toi? Oui. Eh bien, c'était non. On n'a pas visité le Vietnam. C'est un pays aussi où ça, ça pique un peu niveau liberté de l'expression. C'est vrai. Après, il y a le Sino. Non. Hein, Sino quoi ça, ça n'existe pas, ça. Ouais. Le Sinologie, ça n'existe pas. Le Sino, voilà. Parce que pour toi, le Sino, ça existe. Ça existe, hein? Eh ben non, ça n'existe pas. C'est dans Pokémon Perle et Diamant. Ah bah oui. Donc forcément, il n'a pas visité. Ouais. Quoique. Qu'est-ce que t'en sais, ça se trouve, il joue. Ah, c'est pas. Hein. Point Pokémon Go, est-ce que. Est-ce que Pokémon Go est sorti en septembre? Attends. Est-ce que tu vas courir dans les rues de Castres à fond? Oh mon dieu! Oui. Ah, il y a passé deux jolies filles à la face des fêtes, non mais. Mmh, ton non. Cul ne m'intéresse pas, bon, je veux du cool! Bah, je veux des abras! Toujours pas. Toujours pas, donc ben voilà. La tristesse. Est totale. La tristesse est totale. Donc après, j'ai le Japon. Est-ce que le Japon existe? Non. C'est pas reconnu par l'ONU. Le Japon, c'est un pays imaginaire. Un pays imaginaire. C'est un pays où les femmes ont des gros nichons et aimeraient le viol. Je ne connais pas. Ah bah forcément, le Japon existe. Mais est-ce qu'il a visité Antoine de Maxime? J'ai aucune idée, non. Je dirais non plus. Et vous chiez complet, en fait. C'est le premier épisode de la première saison. C'est pas le premier qu'il a enregistré. Mais c'est le premier épisode de la première saison. Autant vous dire, pour se faire inviter chez quelqu'un, il a galéré sa mère. Ah ouais? Parce que là-bas, pour se faire inviter chez quelqu'un, c'est... Je rappellerai l'anecdote, si tu arrives à inviter une fille au resto, la famille vient. Ah oui. Voilà. Donc attends, pour se faire inviter chez quelqu'un, là-bas, c'est tu es l'individu de Carmo. Donc tu es le bizarre du village. Tu es... Et la personne chez laquelle il se fait inviter, il lui dit, je suis arrivé, tu es venu chez moi. Parce que je suis considéré comme un peu bizarre, parce que sa femme était morte en fait, c'était un veuf en fait. Et du coup, il avait un peu pris du recul par rapport à sa condition, si tu veux. Du coup, il est arrivé à l'inviter chez lui, mais il me dit, pour te faire inviter chez quelqu'un d'autre, ça va être la bannière, crois la bannière. Et donc, il est quand même arrivé à se faire inviter chez quelqu'un au Japon. Très bel épisode, moi, il m'a fait chialer que j'en pouvais plus. Hein, de toute façon, on est très pro-Japon déjà. Mais ça te permet de prendre du recul. En plus, surtout que voilà, c'est l'un des premiers pays où lesquels il est allé et il pipait rien à la langue. Donc, comme moi, quand j'y suis allé, enfin, moi je crois que j'avais pipé plus que lui, tu vois. Parce que c'est là, Antoine de Maximi, quand il est allé en Grèce, c'est pareil. Il est allé à l'aéroport. Bonjour, il me faudrait une destination à 3 heures d'avion, à peu près 3-4 heures, dépaysante. Vous pouvez aller en Grèce? Le gars, il est allé. Enfin, le gars, il va des fois sans préparation pour vous prouver le niveau de. Avec le kit. Et d'ailleurs, il a eu des problèmes. Même kit et mon couteau. C'est ça. Et d'ailleurs, il a eu des problèmes dans deux pays, en Bolivie, où il a failli se faire kidnapper. Ouais. Et il a eu des problèmes en Italie, où il était trop connu. Ah. L'émission passée, les gens étaient là dans la rue. Oh mon dieu, c'est lui. Et les gars, du coup. Parce que le but, c'est juste d'aller dans les pays incognito pour se faire inviter. Ouais. Le but, c'est pas d'être connu pour que. Ouais. Après, il avait fait le sud de la France, il a fait quasiment d'ici la première saison, deuxième saison, quand il était pas trop connu, quand ça passait sur Canal encore. Pour pouvoir, et le sud de la France est énorme. Cet épisode, c'est gros n'importe quoi. Donc maintenant, je vais vous parler du Gondwana. Est-ce que le Gondwana, ça existe? Non. Non. C'est un pays imaginaire de l'Afrique centrale. Ah, très bien. Donc le Gondwana n'existe pas. Et il vient en fait de la pièce Le Surbook par, qui est avec Vincent Lagarde et qui est une pièce qu'elle est bien. Et voilà, j'ai mes références à moi. Bon, c'est des références. Non, mais je l'ai aussi parce que j'ai vu la pièce de théâtre. Qui est très bien d'ailleurs, qui m'a fait rire. Finalement, on s'approche de la fin du truc, mais après, il y aura un peu d'intermède. Dans le Yémen, est-ce que ça existe? Ah, le Yémen, avec le Yémen, ça existe, bien évidemment. La capitale... Beyrouth? Non, mais c'est... Non, le Yémen, c'est le pays le plus connu du monde. Bah, donc, est-ce qu'il a, par contre, est-ce qu'il a visité? Hashtag force joke, hashtag Saturday Man. Est-ce qu'il a visité, par contre? Non. Le Yémen? Oh, non. Pas, ça crée un peu, non, le Yémen? Le Yémen, ça crée énormément. En ce moment, ils sont en guerre avec l'Arabie Saoudite. Autant te dire que c'est un peu comme si nous, on allait se battre contre... Non, pas nous, la France. Hein. Nous-mêmes, nous, physiquement. Comme si on allait se battre contre un très gros musclé qui sait faire du karaté, tu vois. Ouais. Contre Bruce Lee. Donc, à part se cacher dans un coin et lui mettre des coups de tatane ninja, on peut pas faire grand-chose, quoi. Donc après, est-ce que le Dosista, ça existe? J'ai jamais entendu parler. Ça n'existe pas, mais forcément le Yémen et Dosista. C'était le gag du dossier. Voilà. Ah, attends. Alors, je me dépêche de trouver le truc que je n'avais pas. Mais si tu éjacules à cette vitesse, c'est nickel. Hein. J'avais dit ça, c'est explicite. Hein. Pourquoi on a attendu du temps pour se faire vraiment explicite? Voilà. Hein ouais. Donc voilà, le nom Sista, ça n'existe pas. Comparé au Yémen. Voilà, pas d'insulte. Hein. Le Kyrgyzstan. Oui. Toi là-bas. Hein? Vous, monsieur le Kyrgyzstan. Oui. Non, c'est une danse. Je sais pas. Le quoi? Le Kyrgyzstan. Non. Le non, même pas, le Kyrgyzstan. Ah, le Kyrgyzstan, oui. Ouais. Ah, bah oui, ça existe. Voilà. Donc, oui, ça existe. Dans le des pays instant. Voilà, avec le Kazakhstan. Et le Boutistan, qui est au bout. Le Djibrilistan. Le Midiouistan, ouais. Il est au milieu. Mais est-ce que Antoine de Maximi l'a visité ou pas? Oui. Je sais pas. Eh oui. Ça a été visité. Après, j'ai le Vanuatu. Elle lui dit, oui, Vanuatu, c'est des îles. Ouais. C'est des îles de là-bas, vers au-dessus de la Nouvelle-Zélande. C'est ça. Voilà, c'est vers des îles très quand même un peu plus gros que certains trucs, mais quand même pas très. C'est la Polynésie, où il y a les Fidji, les Samoa, tout ça. C'est ça. Bon, en gros, tu cours, t'es dehors. Dehors, c'est un peu petit. Bah, c'est un endroit où ils ont fait genre Koh-Lanta. Hein. Ah oui. Vanuatu. Oui. Voilà. Donc voilà. Mais est-ce que Antoine de Maximi l'a visité? Non. Ah bah, il devait pas y avoir grand-chose à visiter là-bas. Et pourtant oui. Ah ouais. Il a visité. Et c'est là d'ailleurs qu'il a visité, vous savez, l'ancêtre du sol élastique. Vous savez, quand ils sont en haut du tour en bambou, je rigole pas. Je ne rigole pas en plus. Avec une corde. Et les autres avaient des lianes. Autour du cou. Et les autres avaient des. Ça s'appelle le saut du pendu, non? Ils autres avaient des lianes. Et c'est vérité. C'est vérité. C'est véritas. Autant te dire que quand tu vas là-bas, il y a eu des problèmes de. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de touristes et on essaie de le saigner quand même. Hein. Donc pour filmer, il a eu des gros problèmes. Mais quand même, il a filmé au Vanuatu. Voilà le truc improbable. Après, j'ai le Sealand. SEA. Ça existe ou pas? SEA. Le Sealand, ouais. S-E-A. Oui, c'est une plateforme pétrolière. Ah oui. Ah oui, la plateforme pétrolière. Oui, donc voilà. Ça me disait quelque chose aussi, non? Voilà. Mais est-ce que ça existe ou pas, du coup? Ça existe. Si c'est reconnu parce qu'il est là, voilà, forcément, il est toujours là, il y a toujours une personne. Donc techniquement, alors j'expliquerai après, mais est-ce que du coup, c'est une relation. Ouais. Est-ce que Antoine de Maximi l'a visité? Bah non, sûrement pas. Non, voilà. C'est une plateforme pétrolière. C'est ça. Donc en fait, c'est une nation qui n'existe plus, en fait. Ah bon? Parce que ça a été mis en vente. Ah merde. Ah ben oui, c'est une nation. Yeah. Ça a été racheté il y a longtemps. Ouais, mais c'est un peu. J'ai pas trouvé de truc, tu vois, qui allait dans le sens où. En fait, voilà, donc c'est une nation fantoche, donc c'est un truc. Voilà. Ça, on est tous d'accord, je pense. C'est un mec qui l'a racheté juste pour faire sa fille au princesse. Un ex-militaire, ouais. Un ex-militaire, ouais. Il voulait peut-être niquer sa fille en faire une princesse, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'aurais fait, hein. Je suis dégueulasse, mais c'est ce que j'aurais fait. Ça, je l'ai appris que. Et donc, le podcast, c'est. Dans l'apéro du capitaine. Le quoi? Le silence, c'était une micronation. Oh mon dieu! Je me fétisais par. Donc voilà ce que j'ai mis. Donc, c'est une ancienne plateforme militaire du nord de l'Angleterre. Et c'est une principauté. Et j'ai noté ce qu'était une principauté. Donc une principauté est un truc trop petit. Voilà. Un territoire gouverné par un prince. Logique. Elle peut être un état souverain et indépendant, autonome, avec des liens de vassalité avec un autre état. Voilà. Donc il y a, ça dépend des pays parce qu'il y a pas mal de principautés aux États-Unis parce que là-bas ils sont très très libertés. Enfin, j'aime la liberté. Donc voilà, des fois il y a des États, c'est une maison en fait. Mais et le jardin. Justement dans le dossier. Mais je crois que Flavie de Quacos ou de l'orthopède, justement il parlait de c'était une micronation mais dans la maison. Oui. Et du coup le mec il pouvait pas sortir. Oui parce qu'il n'y avait pas de passeport. Il y avait plus personne. Donc du coup la micronation n'existait plus. Donc du coup il était obligé d'avoir physiquement une personne tout le temps. Sur le territoire. C'est là que tu deviens. Sinon, quelqu'un pouvait rentrer chez lui pour dire je réclame cette nation. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais c'est assez fou. On se rend pas compte. Hein. Et du coup, il y a des. Ce qu'on appelle des principautés et des. Comment ça s'appelle? J'ai pas le bon mot. Des enclaves. Voilà. Mmh. Les enclaves, il y en a dans pas mal de pays. Par exemple, les Pyrénées, Atlantique. Donc, Bayonne, tout ça. Ouais. Pau. Et les Hautes-Pyrénées. Il y a une enclave entre les deux. Donc il y a un bout de département qui est dans l'autre département. Ah. Ouais. Bah, c'est pareil, on a... comment ça s'appelle? Dans les Pyrénées, une enclave espagnole. Oui, c'est le Val d'Aran, non? Le Val d'Aran, il est un peu... Le Val d'Aran, c'est espagnol. Oui, mais c'est un peu déjà... C'est au niveau plus cher d'A. Peut-être, ouais. Et ça fait partie du... T'as un endroit, en fait, c'est le... Je sais plus comment ça s'appelle. Et bon, madame. C'est Bourg Madame est en France et Puigcerdà est catholique. En fait, c'est collé, c'est quasiment la même ville. C'est ça, oui. Et Puigcerdà c'est espagnol et Bourg Madame c'est français. Et quand tu regardes, c'est vrai que quand tu regardes sur Google Maps. C'est la même ville quand tu regardes sur Google. C'est la même ville, sauf que t'as une zone, t'as un trou. Alors que t'as la frontière qui est, tu le vois bien, t'as les montagnes, t'as les Pyrénées, la frontière qui est au sud, et mais t'as un trou, c'est espagnol. En Suisse, il y a la même. C'est vrai que souvent, près des frontières, tout ça. Et après, près des pays qui ont été conquis à une époque. Voilà. Changement des frontières, mais que le. Et voilà, que personne n'a voulu. Enfin, que les gens. Non, ça, c'en sait pas. On laissait, ou ouais. Voilà. Donc, ce que vous dites là en Espagne, ça a été le même principe. Donc, la République populaire de Chine, est-ce que ça existe ou pas? Oui. Ben pas tant que ça. Ah bon? En fait, c'est un pays qui n'est pas reconnu par certains États de l'ONU. Donc c'est en fait c'est oui et non. En même temps, voilà, c'est un peu. Ils reconnaissent ça en tant que Chine au lieu de République populaire de Chine. Ben c'est ça le problème. En fait, j'ai pas trop compris. Et du coup, il y a Taïwan qui est lui-même la République de Chine, la vraie. Ouais. Taïwan, c'est un peu ambigu aussi. Comme... Voilà. Taïwan, c'est un peu ambigu. Et du coup, les deux, c'est un peu oui, mais un peu non. Mais un peu beaucoup oui, parce que bon, Taïwan... vu la force de frappe qu'ils ont, bon bah, on y est un peu oui, tu vois. Taïwan c'est indépendant, mais en même temps ça fait un peu partie de la Chine. C'est ça, ça mais voilà. C'est quand même indépendant. Mais c'est quand même indépendant. C'est compliqué de bordel. Taïwan c'est compliqué. C'est ça. Et, mais alors du coup, bon, ça existe oui et non. Hein. Voilà, bah, j'ai mis un point d'interrogation. Point d'interrogation, mais est-ce que Antoine de Maximier a visité la Chine? Non. La Chine il a dû aller, oui. Ah, quoique, oui. Si, oui. Si. Et oui, il a visité. Un épisode d'ailleurs. Bien fan d'art. Et après. Est-ce que Groenland, ça existe? Non. Oui. Moi, j'ai envie de dire oui, parce que... Non, ça n'existe pas, mais Groenland, voilà. Mais est-ce qu'Antoine de Maximy l'a visité? Oui. Ah, on voit le spécialiste. Antoine de Maximy l'a visité. Est-ce que quelqu'un peut raconter son séjour? J'en ai absolument aucune idée, mais je... En fait, il est arrivé à l'aéroport, il s'est fait arrêter par... Il s'est fait apostropher par des vieux, vous venez venir à la maison. Les vieux l'ont drogué avec du GHB, l'ont violé. Et mais c'est lui qui a vraiment fait le truc, tu vois. Oui, oui, tu sens, en fait, c'est une parodie, quoi. Et c'est une parodie, c'était pour les 20 ans de Roland qu'ils ont fait ça. Donc, autant vous dire que c'était, moi, j'ai trouvé ça une mise en abîme du truc, magnifique. Mais vraiment, tu vois, pour moi, c'est ça, tu vois. Donc, voilà, donc Antoine de Maximy diffuse, alors, je pense qu'au moment où ce podcast sera passé, ils seront déjà un peu passés. Mais il l'a repris, là. Oui, il l'a repris récemment. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, ou... C'est ça, là, c'est les nouveaux, là. Donc, il y a le Bhoutan, mais là, il y a le Kyrgyzstan, je crois. C'est des nouveaux. Donc, voilà, Antoine de Maximy avait pris une pause pendant quelques années. Je crois début 2013, début 2012. Il a décidé de reprendre ses pèlerinations. On avait deux reportages d'anthologie, je pense, au Burning Man. J'irai dormir chez l'homme brûlant, il est aimé. Je pense que si vous pouvez en voir un, celui-là, il en fait partie. J'irai dormir aux États-Unis. À Hollywood, il est. Il y en a pas un où il a assisté à une fusillade aux États-Unis justement. Si, c'est au Caraïbes ou je sais pas où, j'ai plus le nom exact, mais je crois que c'est à Hawaii. Non pas Hawaii. Oui, où il est. Oh, c'est un quartier tranquille ici ou je sais pas quoi. 30 secondes après, sa carrière, il est caché. Les gars font venez. Oui, non, bon, ça arrive de temps en temps. Voilà, les flics arrivent après tranquille, le gars est là, trop. Non, voilà, je recommande donc le J'irai dormir à l'homme qui brûle, qui est. Seul regret de cet épisode, c'est qu'il a pas le droit de filmer quand tu vas voir. Quand il prend la drogue, ouais. Tu vas voir la performance de Bondage. Ah oui, aussi, c'est vrai. Tout ça s'est passé sur Internet. Je suis invité à un truc de Bondage pour un parc spectateur. Et quand il arrive à l'entrée, ils veulent pas le laisser rentrer et tout et tout. Et puis il revient le lendemain et il le laisse rentrer, mais que s'il filme pas, que s'il pose des caméras. Déjà, le moment où il prend le space cake, déjà après, il est pas bien. Il charge, hein, le pauvre. Hein. Oui, ouais, avec la mamie qui dit ah, salut et tout. Enfin, il rencontre un garçon et tout, puis le garçon lui présente à sa mère parce qu'il vient tous les ans au Burning Man avec sa mère. Et la mère qui est en mode YOLO, quoi. Ah, mais YOLO, laissez-le pour lui dire bonjour, tu vois. Laissez-le en l'air. Non, mais le truc improbable, il est mais complètement médusé. Et en plus, quand il prend la drogue, là, il fait waouh, ça fait genre, mais. Wow, ça fait des heures qu'ils sont passés, 5 minutes. Il est dans son camping-car, il sait pas ce qui se passe et tout. Putain, j'ai dormi pendant des heures. Ah, ça fait ça. Oh. Il agit trop. Et du coup, il y a celui-là. Et après, il y a le mythique J'irai dormir à Hollywood. Qui est, je pense que la fin, je crois que la fin, c'est. Toi, c'est un documentaire. Je crois que c'est l'une des fins qui m'a le plus bouleversé. Franchement, j'ai jamais vu une fin qui m'a autant touché de tous les temps. Ah ouais. Parce qu'en fait, il part pour aller chercher une vedette. Bon, je te dis un peu la fin, mais tu comprends le truc un peu après. Et en fait, celui tombe sur un clochard, sur un type, il a tout perdu pendant la crise de 2008. Et du coup, c'est bon. En fait, il essaie d'aller chez Will Smith et tout ça, il n'y arrive pas. Et du coup, le clochard l'invite à dormir. Et c'est là que tu comprends que, ouais, finalement, la star n'est pas forcément celle qu'on pense. En fait. Et là, du coup, ça te met, ouais, ça te met un certain recul. Et là, c'est vrai que moi, ça m'a... Je sais pas, moi, ah, quand je l'ai vu, ça m'a touché, mais à un point, touche, ouais. Ouais, tu te dis, ouais, finalement, en fait, ce qui avait marqué sur l'affiche, c'était vrai. Mais pas dans le sens auquel j'en pensais. Oui, bah c'est comme quand tu regardes que le... Merde, je sais plus le nom de l'acteur, c'est Arnold ou Willy de Arnold et Willy. Ah oui, mais il a fini, c'était une épave, enfin. Mais il a fini, je crois qu'il s'est suicidé, mais il était gardien de parking. Gardien de parking. C'est des gens qui ont fini dans la déchéance, pas la plus totale, mais... Enfin, le pire, c'est que tous les acteurs de cette série ont quasiment fini comme ils les pas. C'est pareil pour Punky Brewster ou un truc pas, où ils sont tous... Oui, mais il y a plein de séries comme ça, où l'équipe... Enfin, c'est plus flagrant avec les séries, parce que c'est une célébrité qui est très... C'est sur le long terme, mais ouais. Ça coupe d'un coup. Mais en même temps, ça coupe d'un coup, ouais, c'est ça. Alors qu'avec un film, bon, il y a plein de stars qui ne sont pas remis, hein, ça c'est plein, ça c'est... Mais ouais, du coup, t'as ce recul, et du coup, avec le J'irai dormir à Hollywood, tu as ce recul, tu vois. Tu vois, tu comprends un peu le truc, tu te fais, ah ouais, non, finalement, en fait, le film allait plus loin que ce que tu pensais. Donc, tu te dis, bon, il va dormir chez Will Smith, voilà, quoi. Tu te dis, c'est la star, c'est Hollywood, comme disait l'autre. Mais finalement, une fois que le film est fini, tu te fais, ah ouais, non, finalement, ça allait plus loin que le délire. Oh! Oh non. Je suis en train de mourir. Tu vas tout tuer là. Donc en fait, on est en train de raconter, on nous a ramené du whisky sur la table. Du saké sur la table. Continuez. Ah, toi, t'as envie de boire le saké, c'est ça, hein? Donc je pense qu'on peut faire un quatrième épisode tranquille, on ne saura pas ce qui se passe. On peut finir jusqu'en 2017, on ne saura pas ce qui se passe. Tellement on est. Voilà. Super. Oh, oui. Donc voilà, c'était Antoine de Maximi. Il a pris une grosse gorgée de whisky. Non, même pas, mais ça. Non, mais moi, ça fait partie de documentaires que j'aime beaucoup parce que c'est très. Mais ça, en fait, c'est les trucs qui te font voyager, comme le. Nuit culottée, c'était pareil. Ouais, Nuit culottée et le truc de. Sur France 2, là. Rencontre en terrain inconnu. Oui, c'est. Avec Panique dans l'oreillette, avec Frédéric Lopez. Frédéric Lopez, et c'est pareil. Oui, c'est ça, c'est le voyage en terrain inconnu. C'est ça. Mais des fois, on se demandait c'était quoi. Non, ça. Des fois, il y a des auditeurs qui se demandaient c'est quoi la bonne télé, la mauvaise télé. Là, ça en fait partie de la bonne télé. Ah, j'ai fini le whisky là. Rendez-vous en terrain inconnu. Rendez-vous en terrain inconnu. Je commence à avoir les yeux qui pleurent. Je les ai pas tous vus, mais il y en a qui m'ont fait chialer. Avec Michalak et les loulous noirs. Moi, je crois que l'image qui m'a plus touché, c'est Muriel Robin le premier, celui-là. Ouais. C'est Muriel Robin, ça l'a touché. Ouais. Dans une tribu d'Afrique. Et je crois que c'est ça qui m'a plus touché, c'est quand ils reviennent dessus. Et c'est le passage où donc les femmes sont nues et vont prendre un bain de boue. Oui, elle comprend pas. Elle comprend pas. Et d'instinct, en fait... Il l'invite ou je sais plus comment ça se passe. Et en fait, bah, elle se met nue et va dedans aussi. Et puis après, tu revois après. Elle fait, mais ouais, mais en fait, je sais plus ce qu'elle dit, mais elle dit, voilà, j'ai vu ça, j'étais touché, je voulais le faire. Oui, mais moi, ça m'est arrivé un peu pareil au Japon, tu vois. Tu vois les gens faire un truc. Mais en fait, t'es pris dedans, en fait. T'es pris dedans, voilà. Tu copies le truc directement. Tu te dis, bon, bah, c'est comme ça, finalement, bah, c'est comme ça. Au moins un délire, forcément, foutu à Paul. J'aurais bien aimé me foutre à Paul avec ça. Ça fait un moment que je les ai pas vus. Non, celui avec Bruno Solo était énorme, celui avec Patrick Dempsey était pas mal. Celui avec Zazie, il te fait chialer à la fin. Ah, celui avec Zazie, il est très. Celui avec Clovis Cornier. Non, pas Clovis Cornier. Si, il était très bien, moi aussi, celui-là. Si, oui, c'était Clovis Cornier, putain. Et ça l'avait beaucoup. Il y a un moment où ils sont, je sais plus, quelque part. Ils jouent de la guitare ou je sais pas quoi. Il y a un moment où ils sont en train de faire des plantations, ils plantent des oignons ou un truc comme ça. Et ils simulent une dispute avec Frédéric Lopez. Sauf que le mec, il y a. Il comprend, oui. Il les a séparés pendant 3 jours, quoi. Non, mais. Et puis Clovis Cornillac. Parce que le mec, il est vraiment cru. Il connaît pas Clovis Cornillac, il sait pas qui c'est et tout. Et toi, quand tu regardes la séquence, tu étais mort de rire. Quand tu vois Clovis Cornillac qui fait son sketch et tout, le mec, il y avait vraiment cru, il les a séparés, ils sont pas vus pendant 3 jours, les deux. Et puis Clovis Cornillac avait du mal à expliquer ce qu'il faisait dans la vie. Ah, mais celui où c'est le plus choquant, c'est celui avec Adriana Carambeau. Ouais, elle a du mal à expliquer ce qu'elle fait dans la vie. Quoi. Le mec, ils sont, je sais plus où ils sont dans un endroit, il fait quand même assez froid. Ouais, c'est en Mongolie ou un truc pays comme ça un peu. Et quand le mec lui demande c'est quoi ton travail, elle lui répond mon travail c'est d'être belle. Elle est émue. Elle sait pas quoi lui dire. Ouais, elle est émue. C'est quoi ton travail? Mon travail c'est d'être belle quoi. Putain, mais. Elle se rend compte qu'elle est con quand elle dit ça, mais qu'est-ce qu'elle dit d'autre quoi. Mais non, mais c'est vrai, c'est... après on peut toujours dire tout sur ses programmes, tout ce qu'on voudra. Mais quand même, ça te fait quand même prendre un certain recul. Même les gens qui participent, ils prennent un certain recul. C'est oui, pas Koh-Lanta ou l'effet Maigret. Ouais, voilà. Eh, vas-y, Maigret. Oui, c'est pas la même, on va dire, télétrage. Parce que là, si tu prends une personne que voilà. Tu vas faire vivre dans une tribu. Qui est vraiment déjà souvent. Et des fois, t'as des tribus. Ils connaissent pas, ils ont pas l'électricité, ils ont rien, ils sont coupés du monde. Ah oui, je sais plus où est-ce que c'était. Ouais. Les loulous noirs là, enfin, justement, la tribu, ils ont eu du mal à y aller parce que justement, les mecs, le peuple. En fait, c'est vraiment les reculés. Quoi. Ils étaient vraiment reculés et ils vivaient en tribu, mais c'était vraiment. Celui avec Patrick Kimsey. Ah ouais, c'est l'autarcie, je suis l'autarcie là. Il fait 24 heures de bateau, il arrive, après il prend la pirogue pendant 12 heures, puis après il marche pendant 3 heures, et là, putain, ils en arrivent pas. C'est vraiment l'autarcie, je suis l'autarcie. Mais tout, c'est au bout du monde. Charlotte de Turquie, mais on va au pôle Nord, quoi. C'est le bout du monde. Où il va. Ah, mais ah où c'est impressionnant. Gilbert Montagnier, je crois, il va au Tibet. Ouais. Et ça c'est pareil, c'est chaud, quoi. Non, mais à chaque fois, ils en ressortent. Quand ils arrivent et qu'ils expliquent que Gilbert Montagné, il est aveugle, putain, les mecs, ils sont sur le cul, quoi. Mmh. Ouais, je crois que ils sont sur le cul et ils arrivent quand même à partager, et c'est ça qui est beau. Oui. C'est ça qui est beau, voilà. Au final, ouais, voilà, c'est pas parce que t'as, on va dire, un handicap que t'es pas. T'es une personne comme nous, tu peux quand même ressentir des choses, quoi. Coluche disait souvent. L'handicap sur lequel j'ai fait le plus de blagues et qui me faisait le moins rire, c'était la connerie. Parce que je faisais des blagues d'infirme à infirme, ça le faisait rigoler. Je faisais des blagues de, par exemple, de noir à des noirs, ça le faisait rigoler, c'est pas un handicap. Mais, tu vois ce que je veux dire. Oui, stéréotype ou type. Voilà, le stéréotype, ça le faisait rigoler. Et le seul handicapé qui ne rigole pas de son humour, c'est le con, quoi. Et si tu veux, c'est un peu cette démarche, tu vois. Déjà, il y a des gens qui disent ouais, c'est putassier, on se moque des petites nations, tout ça, on en fait du business, tout ça. Mais quand même, on les met en avant, on les glorifie quand même à un certain point, mais on leur donne une certaine épaisseur. De l'émission, c'est de faire connaître des peuples qui voilà. sont en voie de disparition. Qui sont carrément en danger. Certains ont dû peut-être disparaître depuis, parce que voilà, c'est, je pense que les gens, ça les intéresse un peu plus de vivre en ville que de vivre dans les champs, alors que je pense qu'au fond de moi, c'est ces gens-là qui ont plus raison que nous. Ils sont peut-être plus heureux que nous. Et ils sont sûrement plus heureux que nous, parce qu'il y a certaines nations, je ne sais plus si c'est dans celui-là, où le merci n'existait pas. Les nations du. En fait, si tu veux, le merci était induit par le fait que tu aidais. Oui. Il n'y a pas de merci en lui-même. Oui, c'était plus un système de troc que. Voilà, c'est ça. Le merci n'existe pas, pour te prouver leur niveau d'implication entre communautés, entre jeunes et entre personnes, ouais. C'est vrai que c'est fou, quoi. Alors que nous, c'est limite, chez certains, dire merci, ça écorche la gueule, quoi. Donc, bon. Voilà. Chez nous, il y a des mecs qui disent merci, ça n'existe pas. Non, voilà, mais pas le même sens. Pas la raison, voilà. Non, voilà, c'était le moment cérébral de ce podcast. On pourra reprendre du. Pour finir, je sais pas ce qu'on va se prendre finir, un petit saké. Je propose un petit saké pour finir. Voilà. Attends, faut que je. J'ai trop de beurre. Finis ton whisky, va nettoyer ton verre. Ça va être dur ce soir. Comme ça, t'auras le gosier préchauffé. Ce soir, je pense que ça va être très compliqué. Je crois que je vais foutre sur le canapé et. Moi, on peut aller se balader pendant 4 heures en ville, c'est pas de problème, pas de problème, pas de problème. Si on peut se balader au soleil. On va faner. Non, mais c'est moi, ça va être 7 heures. Les yeux vont faire. Ah, j'ai mis les poditeurs attendent notre digression, mais c'est pas grave. Non, là, il y a quelqu'un qui arrive. En plein attendant que. Il est pas bien. Voilà. Non, ah, mais il a déjà attendu son aumône pour le. Putain, c'est une dose de cowboy. Filme-moi. Pas plus haut que le pouce. Bon, je vais être obligé de me faire une dose de cowboy, moi, parce que sinon. Hop là. C'est quoi cette dose de fou? Juste bon, allez, encore un peu, parce que je vais me sentir seul. Arrête, t'as nous deux réunis quand même, hein. Mais c'est pas grave. Qui nous a servi un petit doigt, et pour nous suivre, il s'est pris un pouce, quoi. Mais c'est vrai en plus. Bon, à la vôtre. À la vôtre et à la tienne Étienne, comme disaient les gros beaufs. Non, il a du mal à se trouver des yeux, déjà c'est pas bon. Non, mais en fait, non, je peux boire plus sec. Hein. Non, mais j'avais dit. Sec, et après, tu vas voir. Non, mais je me serais fait le même verre de whisky, c'est bon. Hein. Fallait m'amener avec un Strasbourg. Il est super bon, frère. Ouais. Il passe tout seul. Je pense que même un petit peu plus frais. Ouais. Bah là, ils mettent eux. Alors, je te dis. Eux, ils mettent entre 0 et 5 et 5 et 10. À peu près. Et après, à température ambiante, si tu veux le savourer. Bien. Frais, c'est très bien. Ouais. Bon, ils vont finalement. Bah, très bien. Même au début, il était bon. Je pense que ce saké est merveilleux pour clôturer cette session d'enregistrement. Ah oui, là on est bien. Et cet apéro 5.3, je pense qu'on est bien. Mais j'ai pas encore fini ma bière, il m'en reste encore un petit peu. Pas beaucoup, mais il m'en reste un peu. Moi, c'est tombé. Je me suis servi en jus d'orange après parce que. Voilà. Il fallait se réhydrater. Merci bien de nous avoir écoutés jusqu'au bout, je l'espère. Retrouvez-nous bien sûr sur Twitter. Hashtag à nos pseudos respectifs at Gandalf 81 at Asto 81 et at Azertof at Perturbé 89. Vous retrouverez les références et les dossiers en lien de ce podcast. Toujours, bien évidemment. Et puis sur ce, je pense qu'on va pouvoir passer à la musique. Oui. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Donc on fait des bisous, tout ça. Et maintenant, chantons. Alors, moi, j'avais préparé une petite musique, mais finalement, je pense... Ah, tu changes que... Bah, je sais pas, je pense qu'on va peut-être partir sur celle du générique, entre guillemets, de fin de Apocalypse sur Carson City. Bah, si tu veux. Épisode 1, à savoir Bad Moon Rising. Par Creedence Clearwater Revival. Et là, ce qui va être drôle, c'est que ça se trouve, ça n'existe pas. Alors, Creedence Revival, ça existe à 200%. Ça, je peux couper une blonde, la mettre sur la table. Cherche-la. Et si ça n'existe pas, on mettra celle que j'avais. Non, si Creedence n'existe pas, je me coupe une burne, mais pépite. Hein, mais vraiment. Donc, du coup, ça sera la surprise du chef. Au montage. Existera, existera pas. Ah, sinon, surprise. Ce sera du Electrocutica avec Hystérésis. Oui. Au pire, on le garde pour la prochaine fois, ce sera déjà fait. Ouais. Sinon, ce sera la prochaine fois. Si on n'est pas mort d'alcoolémie ici. Non, mais on va finir tranquillement. Puis il est 8h, on fera une petite balade après. Hein, une petite balade digestive. 7h, 7h non 8. Déjà 8h. Bah oui. Oh, enculé. On a quoi, sur le 5h? Midi et demi. Midi et demi. Ouais, midi et demi. Oh là là, mon dieu, quelle horreur! Bon, on a fait des plus grosses pauses que d'habitude. Ouais. C'est vrai qu'on a fait des pauses, on a coupé de saucisson et tout. Oui. Du coup, on se dit le mois prochain. À la prochaine, nous on va décuver avant de réenregistrer. Ouais. Bon, on va décuver pendant 3 mois. Vous n'allez pas l'entendre. Pour vous, ce sera le mois prochain. Voilà. Et portez-vous bien d'ici là. Ciao ciao! Ouais. Ciao. Et d'ici là, jouez bien! Alors, merci. Lisez des mangas, c'est bon pour le chakra. Matez des animés, c'est bon pour votre santé. Des bisous, à bientôt. Quoi ? On n'est pas sur le manga cast ?